Et oui, dans notre charmant pays, sur beaucoup de points, on se débrouille mal. Pourtant, une chose nous réussit, on a un vrai talent pas banal. On lance une flashball sur un étudiant en sciences. On lance des milliers de cars qui polluent la France. On lance de nouvelles lois qui rassurent la finance. On lance des paroles en l'air pour le reste de la France. Mais voilà que j'aperçois ce soir quelque chose qui ressemble à un espoir. Comme l'a dit Buzz l'éclair au cinéma, on lance vers l'infini et au-delà. Ah ouais, je ne le connaissais pas comme ça, Xavier. Engagé là, hein. À fond, d'accord. D'accord. Oui, lanceur vers l'infini et au-delà, c'est le thème de ce soir. Et vous avez vu probablement que le paysage des moyens de lancement spatiaux est en plein bouleversement depuis plusieurs années, avec des prix de lancement qui sont en chute libre, grâce notamment à la société SpaceX de Elon Musk, dont on va bientôt bien sûr reparler. Les lanceurs trop chers sont en train de partir à la casse, et certains industriels américains, qui autrefois étaient des géants du spatial, sont en train aussi de passer, pour certains d'entre eux, aux oubliettes. Oui, de nouveaux acteurs sont arrivés sur la scène et ils changent beaucoup de choses. Et face à ce grand bouleversement, eh bien, l'Europe, avec Ariane, a l'air de vouloir résister, avec un certain succès, en tout cas sur le papier. Ariane 6 est le cheval de bataille dont l'Europe a besoin. Alors à quoi va ressembler l'avenir? Qui va capter le marché des lancements commerciaux? Est-ce qu'on va assister pour l'avenir au déploiement de nouveaux lanceurs lourds comme le SLS, dont la puissance se compare à la Saturne 5? Vous savez, c'était le lanceur qui avait permis d'envoyer des hommes sur la Lune. Mais alors si on a des lanceurs lourds, pour quelle mission? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis si on se projette encore plus loin dans le temps, eh bien peut-être qu'on voudra se projeter encore plus loin dans l'espace. Mais alors avec quel type de lanceur le fera-t-on et avec quel type de propulsion? Voilà quelques questions qu'on va se poser ce soir, que vous allez poser. Je vais venir vers vous, je vais vous passer le micro et vous allez pouvoir discuter directement avec nos deux intervenants. C'est Alain Souchier et Jérôme Villa. Merci de les accueillir, s'il vous plaît. Alors les Mardis de l'espace se sont organisés comme à chaque fois par l'association Barre des Sciences Paris et par le CNES. Et vous pouvez intervenir pour commenter ce Mardi de l'espace avec le hashtag CNESTweetUp. Jérôme Villa, Alain Souchier, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, nous dire qui vous êtes l'un et l'autre? Jérôme Villa ou Alain Souchier, allez-y. Moi je suis... Un ancien d'Ariane, j'ai fait toute ma carrière sur la propulsion à liquide de la fusée Ariane, donc Ariane 1, 2, 3, 4, 5, un petit peu participé à 6. Et puis en même temps, j'ai été avec mon collègue Richard Edman, le cofondateur de l'association Planète Mars, chapitre français de la Mars Society. Et notre objectif, c'est la promotion de l'exploration martienne, robotique et humaine. Et nous essayons donc de promouvoir cette idée par des conférences, des livres, etc. L'association Planète Mars, donc vous l'avez dit, vous êtes l'un des fondateurs, vous en êtes le président aujourd'hui, absolument. Jérôme Villa. Et donc moi, j'ai fait toute ma carrière au CNES également, mais j'ai 20 ans derrière moi au CNES, où j'ai exercé différents rôles sur la fusée Ariane 5, principalement. Et puis dernièrement, ces dernières années, j'anime un département qui s'occupe de préparation du futur, prospective, innovation, projet futur, et donc c'est avec plaisir que je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'on prépare pour l'avenir. Donc deux spécialistes des lanceurs. Et puis avant qu'on ne commence dans quelques instants, je voudrais qu'on parle d'un troisième spécialiste. Ce n'était pas un spécialiste des lanceurs, c'était plutôt un planétologue. C'était André Braïc, à qui on a envie de penser ce soir. Vous savez qu'il a disparu voici quelques jours, et c'était quelqu'un d'assez étonnant, qui s'était intéressé aux anneaux de Saturne un peu par hasard. Et puis voilà que tout à coup, les Américains décident de... La NASA décide de lancer le programme Voyager, et que d'un seul coup, ben, on est à la recherche dans le monde d'un spécialiste des anneaux de Saturne. Il y en avait un, ben, c'était lui, André Braille, et du coup, il a été entraîné dans l'aventure Voyager. Alors, plus tard, il a découvert les anneaux de Neptune, dont trois qu'il a intitulés « Liberté, égalité, fraternité ». Il avait été aussi l'un des initiateurs de la mission Cassini. De lui, on se souvient de sa avant toute chose, hein, à la télévision. Il était incroyable. Moi, j'ai eu le plaisir d'être en plateau avec lui. Une faconde, d'une énergie extraordinaire. Son débit de mitraillette, hein, ça, il va rester, bien sûr. Et puis, un enthousiasme communicatif pour la science, pour l'astronomie, dont il disait qu'elle vivait actuellement un âge d'or. Et puis, il avait des formules extraordinaires. Je me souviens qu'il disait beaucoup... Il le rappelait à chaque fois, quand il y a du mécontentement dans la société, tiens, c'est pour toi aussi, Xavier, toi tu en parlais, quand il y a des émeutes, n'envoyez pas la police, n'envoyez pas l'armée, ça sert à rien, envoyez des astronomes, envoyez des gens de culture, voilà, là, ça va être utile, ça, ce sera efficace, et ce sera surtout formateur, voilà, la culture, et il était venu ici, en 2012, au Mardi de l'Espace, on pense à lui, peut-être qu'on peut l'applaudir, d'ailleurs. On va donc parler des lanceurs avec vous, Jérôme Villa et Alain Souchier. Est-ce qu'on peut parler d'abord de la situation actuelle? Je disais qu'il y a une espèce de paysage en plein bouleversement. Comment est-ce que vous le qualifieriez, ce paysage, Jérôme Villa? Comment est-ce que vous le décririez? Alors, c'est vrai qu'après des décennies où on a un peu l'impression que les fusées se ressemblaient, se succédaient et se ressemblaient, on vit un moment intéressant, comme pour un ingénieur, hein, un moment où tout se transforme, à la fois parce qu'il y a des bouleversements dans le monde des satellites. Le plus grand nombre de satellites qu'on a lancé aujourd'hui sont des satellites de télécommunication, donc qui diffusent de la télévision par des canaux satellites, etc. Et dans ce monde-là, il y a un bouleversement parce qu'il passe petit à petit, comme vos box internet, il passe à un mode de consommation différente. Ils envoient plutôt du mégabit seconde plutôt que des canaux télé. Donc il y a un premier bouleversement là. On voit aussi arriver beaucoup de petits satellites. Quelles conséquences est-ce que ça a sur les satellites, ça ? Alors les satellites deviennent plus gros. Et puis ils embarquent des technologies différentes qui font que la mission de lancement est aussi un petit peu différente. Donc leur business se modifie et il faut que nous, en termes d'offres de lancement, on s'adapte un petit peu à ces changements. L'autre évolution du côté des satellites, c'est qu'on voit, se développer de manière spectaculaire le nombre de petits satellites aussi qui demandent à accéder à l'espace, avec deux indicateurs qui sont très forts. D'abord, si vous suivez un peu l'évolution du nombre de petits satellites lancés, ça suit une courbe exponentielle, ce c'est la première fois dans l'histoire spatiale qu'on voit un phénomène un peu comme ça se développer de manière exponentielle. Un petit satellite, c'est à quelle taille? Alors un petit satellite, ça va de quelques kilos, même des satellites d'un kilo, ça existe, jusqu'à 150 kilos. Voilà. Après, on bascule dans le monde des satellites un peu plus traditionnels. Typiquement, Ariane 5 envoie du 3 tonnes, voilà. 4 tonnes. Ariane 5 envoie du 3 tonnes et du 6 tonnes, ouais. Donc c'est des gros satellites de télécommunications. Voilà. Et les petits satellites, en dessous de 150 kilos, c'est vraiment une gamme très différente. Et un autre indicateur qui montre le dynamisme de ce secteur-là, c'est que depuis 2 ans, la majorité de ces petits satellites sont des satellites à vocation commerciale, c'est-à-dire qu'ils arrivent à se financer sur les marchés financiers. Ce ne sont pas des jouets des agences ou des instruments pour former des étudiants comme ça a pu être le cas par le passé. Ce sont vraiment des entrepreneurs qui se lancent dans l'aventure spatiale et qui s'y lancent avec des petits moyens, mais ils arrivent à lever des fonds auprès de fonds d'investissement et puis à franchir comme ça les petites étapes qui les amènent dans l'espace à petit prix. Qui dit petit satellite dit petit prix. Et on voit cette tendance de manière très très intéressante et on va en discuter. Je pense que l'offre de lancement, la manière dont on peut les amener dans l'espace, c'est extrêmement important pour eux. Alors il y a les petits satellites donc, qui demandent des micro-lanceurs. Hein, on aura l'occasion d'en reparler évidemment. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on reste sur cette taille, si je puis dire, autour d'Ariane, des Falcon, de SpaceX. C'est ces nouveaux acteurs là dont je voudrais qu'on parle avant toute chose. Ils sont en train de bouleverser les choses, de changer la donne, de rebattre les cartes. Là, c'est ces nouveaux arrivants. Il y a 10 ans, est-ce que vous y croyez qu'on arriverait à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où des Boeing, par exemple, sont marginalisés? Alors, croire, je ne sais pas, parce que j'étais pas à ce poste-là, donc je ne sais pas si, du moins de la conviction, je ne saurais pas vous dire. En revanche, on l'analysait déjà. Donc, on avait repéré SpaceX et puis on commençait déjà à le suivre. Ensuite, bien malin, celui qui pouvait prédire l'histoire, la success story d'Elon Musk et de SpaceX. Il faut quand même rappeler qu'il a été longtemps au bord du gouffre. Hein. Il a commencé par 3 lancements qui ont été 3 échecs. En 2008, il a été tenté par abandonner l'aventure pour se consacrer à autre chose. Et puis, il a été repêché. Je crois que c'était un soir de Noël, d'ailleurs. Je crois que la NASA lui a donné un coup de fil et ça l'a relancé dans son aventure. Et finalement, il a amené la société SpaceX là où elle est aujourd'hui. Ce qu'a réussi en particulier SpaceX, c'est de réduire drastiquement les coûts de lancement. Oui. Entre autres, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes avec SpaceX. Ouais. Alors, on parle beaucoup de SpaceX, mais j'aimerais... Bien sûr, on ne parlera pas que de SpaceX, mais c'est le plus visible. Et je sais qu'il y en a d'autres qui ont encore plus vos faveurs que SpaceX. Mais restons sur SpaceX quelques instants. Donc, ils tirent quand même les prix de lancement vers le bas. Et ça, c'est une révolution, parce que ça ouvre de nouveaux horizons pour les lanceurs et le spatial. Alors oui, le premier succès de SpaceX... Alors, de manière très spectaculaire, on voit les étages revenir, on en parlera aussi. Mais la première réussite de SpaceX, c'est d'avoir appliqué un modèle de production pour fabriquer des fusées qui est très efficace économiquement. Donc même si les étages des fusées ne revenaient pas, ce serait quand même une fusée formidablement efficace du point de vue économique. Et ça, avec une application des méthodes de la production automobile à la production de fusées, donc amener un peu de professionnalisme comme ça de la conception des usines et de la conception de la fabrication, c'est déjà un tournant majeur et puis qu'on opère nous aussi avec Ariane 6 aujourd'hui. Donc on met en œuvre des méthodes tirées de l'industrie automobile, mais excusez-moi, mais l'industrie automobile, elle a explosé après la Deuxième Guerre mondiale, ça fait plus de 60 ans, on ne pouvait pas y penser avant ? Je pense que c'était difficile parce que les fusées, ce sont des objets qui sont quand même très optimisés. Donc le moindre écart, la moindre erreur se paye directement sur un échec au lancement. Donc on ne peut pas... Il y a un moment où la maturité permet de faire cette analogie comme elle est faite aujourd'hui. Et avant, c'est trop tôt. Et avant, on se trompe. Donc il y a un moment pour faire de l'artisanat, je dirais, de l'artisanat bien fait et qui permet de vérifier chacune des caractéristiques des pièces qu'on fabrique. Et il y a un moment où on a suffisamment confiance pour essayer de basculer ça dans un modèle de production de série avec tous les avantages qu'on peut imaginer derrière. Et c'est le moment qu'on vit aujourd'hui. Et il y a Jean-Yves Le Gall, donc le patron du CNES, qui expliquait que les usines de SpaceX, c'est un peu l'usine de Tintin. D'un côté, on fait entrer du métal, et puis de l'autre côté, il y a des usines, des lanceurs qui sortent. C'est ça ? C'est comme ça que ça marche ? Alors SpaceX... Tout est intégré en un même site. Alors dans son modèle économique, effectivement, SpaceX a choisi... Mais plus par contrainte que par choix, je dirais. Ils ont choisi de fabriquer énormément eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont consulté. Elon Musk, au début de sa carrière, il pensait adapter une fusée russe. Par exemple, il s'est dit, les Russes ont des très belles fusées, je vais aller les voir, on va faire affaire, et c'est comme ça que je vais commencer mon aventure. Il est allé voir les Russes, ça s'est mal passé, il est revenu, et puis il a décidé d'essayer de fabriquer lui-même. Et de la même manière, après, sur chacune des pièces de la fusée, ils se sont posé la question, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on le fait nous-mêmes ? Et au fil des discussions, ils ont décidé de faire une majeure partie de la fusée chez eux, donc d'avoir ce qu'on appelle une intégration verticale de la production de la fusée. Après, comme me le rappelait Alain, un des aspects majeurs aussi de SpaceX, c'est d'avoir baissé aussi le coût de la mise au point des fusées, de ce qu'on appelle la phase de développement, donc ce qui se passe avant qu'on lance la première fusée. Il y a beaucoup d'études, d'essais qui sont réalisés avant qu'on arrive pour le premier tir sur le pas de lancement. Et SpaceX a aussi innové, a pris plus de risques parce que c'était une société privée. Donc il pouvait se permettre de prendre des risques, c'est son argent d'une certaine manière, pour accélérer ces phases-là et aller le plus vite possible jusqu'au premier lancement opérationnel. Et là, ça, c'est prendre des risques. Et dans le spatial, on n'aime pas le risque. Et eux, ils se sont permis, et puis ça a été payant finalement. Oui, ça aurait pu être perdant. Ouais, c'est ce que je dis. En 2008, c'était perdant et il a failli plier boutique. Donc la situation s'est retournée, mais il ne faut pas oublier qu'il s'est mis dans une situation à risque. Ouais. Ce que nous, on ne fait pas, parce que nous, on le fait avec de l'argent public. Donc on est dans des conditions différentes. Donc on n'est pas dans la même situation et on ne va pas prendre la même stratégie pour de bonnes raisons. Alain Souchier, qu'est-ce que vous pensez de cette aventure SpaceX là, et est-ce que vous avez des chiffres là, qui nous permettraient de nous rendre compte de la, de la chute des prix qu'a permis SpaceX. Oui, je voulais rajouter, ayant travaillé 40 ans sur Ariane, je voulais défendre quand même les anciens. J'ai fait des courbes sur les prix au kilo d'un lancement par Ariane. Il faut voir que sans s'en rendre compte déjà, entre Ariane 1 et Ariane 5, alors de mémoire, on a divisé le prix au kilo par 4, je crois, 4 ou 5. Donc progressivement, à la fois parce que la taille de la fusée croît, et à ce moment-là, on gagne par un effet de taille, à la fois la charge utile augmente aussi considérablement. Donc, la charge utile, c'est le satellite, hein, satellite. Ouais. Donc déjà, d'Ariane 1 à 5, on a divisé le prix du kilo de satellite envoyé en orbite de transfert par 4 au moins. Ensuite, pour placer SpaceX, SpaceX était à ses débuts, quand il a commencé à faire des lancements commerciaux, très peu cher par rapport aux Américains d'abord, avant d'être peu cher par rapport à Ariane. C'est-à-dire qu'effectivement, il tirait environ à 3 fois moins cher que... Bon, un lancement SpaceX, c'est 60 millions de dollars. Le lancement américain Atlas ou Delta équivalent, c'était à 200, 250. Bon, voilà. Donc, il avait... Et Ariane 5, c'est 150 millions de dollars. Oui, mais ouais. Il faut, quand on compare, justement, je me suis amusé à faire la comparaison il y a 2-3 ans déjà, ou un peu plus même. En fait, Ariane 5 lançait 3 fois plus que le Falcon 9 pour 3 fois le prix. C'est ça. Donc il y avait éventuellement un avantage à SpaceX au prix au kilo, peut-être de 20%. D'accord. Et c'est surtout par rapport à ses concurrents américains qu'il avait divisé le prix par 2 ou 3. On a vu dans la presse, dans Aerocosmos, il a divisé le prix du lancement par 3 ou 4. Et c'était pas par rapport à Ariane, c'était par rapport aux Américains. Alors ce qui se passe actuellement, c'est que... Les Américains, c'est Delta, c'est Delta Atlas. Delta et Atlas. Voilà, c'est ça. Ce qui se passe maintenant, c'est que sa fusée, il l'augmente en performance. Donc au début, en équivalent Ariane, il était à peu près à 3,5 tonnes. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un tiers d'Ariane. 3,5 tonnes, c'est la charge utile. La charge utile qu'on envoie, en orbite de transfert équivalente à Kourou. Orbite de transfert, c'est l'orbite qui permet d'aller finalement en orbite géostationnaire. C'est la mission que fait la fusée. Voilà. Après, c'est le satellite qui se débrouille. Donc on compare les charges utiles sur ce genre de mission. Et puis maintenant, il est pratiquement à 6 tonnes. Voilà, c'est ça. Donc à isoprix... Tout à l'heure, je vous disais qu'à 3,5 tonnes... C'est le même lanceur, on était à 3,5 tonnes aujourd'hui. Il n'est pas plus cher et il a multiplié par 2 sa charge utile. Et là, effectivement, au prix au kilo, il est en train de descendre considérablement. Ouais. Alors, il y a un petit truc quand même, parce que quand on dit 60 millions de dollars, ça, c'est le prix que SpaceX demande aux passagers, hein, si je puis dire, aux satellites. Et pas toujours même. Oui, alors 60, ça c'est sur le marché commercial, mais quand SpaceX vend un lancement à la NASA, c'est beaucoup plus cher. On a vu des prix à 97 millions, je crois, enfin un petit peu en dessous de 100 pour certaines missions pour l'US Air Force ou pour la NASA, oui. Donc ça signifie que SpaceX parvient aussi à faire des prix bas parce que par ailleurs, il a des prix élevés avec des lancements institutionnels. Autant qu'on puisse le comprendre, oui. Autant qu'on puisse comprendre sa démarche commerciale. Jérôme Villain, c'est pas un peu roué, ça ? Ah bah c'est du c'est commerce. C'est une bonne guerre. c'est du commerce, donc ouais. C'est une politique de prix. Le coût reste le même, hein, c'est le coût d'une fusée. Alors, un petit peu, il y a quelques postes de coûts supplémentaires quand vous lancez pour la NASA ou l'US Air Force, parce qu'il y a des vérifications additionnelles, mais rien qui justifie 30 millions d'écart. Donc, il peut se permettre d'augmenter son prix pour les missions publiques américaines, jusqu'à 100 millions, effectivement, 85, 100 millions, et toujours être le moins disant par rapport à ses concurrents américains sur ce marché domestique-là. Donc oui, c'est de bonne guerre, oui. Alors ça, c'est SpaceX, hein, c'est celui dont on parle le plus, qui est le plus visible, l'acteur nouveau, de ce qu'il est, le New Space, donc des nouveaux entrepreneurs extraordinairement riches qui arrivent un beau jour dans le domaine du spatial et qui prétendent tout changer et qui y parviennent, ça, contre toute attente. Et parmi ces acteurs du New Space, il y en a un autre qui a peut-être davantage vos faveurs, Jérôme Villa, c'est Jeff Bezos, donc c'est le patron d'Amazon, milliardaire, multimilliardaire, il a créé une société qui s'appelle Blue Origin. Donc on entend beaucoup moins parlé que de SpaceX, mais pour vous, vous êtes un peu plus, surpris, ou en tout cas favorablement surpris par cette entreprise. Elle vous étonne davantage encore que SpaceX. Pourquoi ? Alors, voilà autre chose. Je voulais juste, oui, avant de quitter SpaceX, oui. Rappeler que, en fait, c'était moi. Enfin, c'est moi, SpaceX. Oui, je sais bien. Disons au départ, finalement j'ai laissé l'affaire à un collègue. Mais au départ, c'est moi, c'est Xavier. C'est Xavier, c'était, voilà, c'était juste mon initial. Et le 24 décembre 2008, mon pote m'appelle, enfin, il était là avec moi, et puis il me dit, allez Xavier, la vie est belle. T'es vraiment space ce soir, d'où le nom qui m'est venu à ce moment-là. Ah oui, d'accord. Profite un peu de ce Noël. Pourquoi encore tu broies du noir? J'en peux plus, je crois que je vais laisser tomber. J'ai perdu et pourtant j'ai aimé jouer. Et là, j'ai décroché. Et tout a commencé. Ah. Space Xavier. La NASA m'a appelé. La NASA t'a appelé. Space Xavier. On l'applaudit, c'est peut-être... Ouais. Alors, Blue Origin, Jeff Bezos. Alors, Jeff Bezos, pour vous situer le personnage, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fondateur de la société Amazon. Vous connaissez certainement Amazon. Et donc c'est un personnage qui est un peu différent d'Elon Musk. D'abord, il a une fortune personnelle considérable. Et puis comme encore plus qu'Elon Musk. Hein. Beaucoup plus qu'Elon Musk. Plus. Ce qui les rapproche, c'est cette génération-là de quarantenaires, enfin il est un peu plus vieux que ça, Jeff Bezos, mais qui ont fait fortune dans la sphère numérique, dans Internet, et qui arrivaient à leurs 40 ans, au moment où on se pose des questions sur le sens de la vie, probablement, plutôt que d'aller de se racheter un yacht ou se racheter un jet privé, décident d'investir dans une aventure humaine, dans l'aventure spatiale en l'occurrence. Donc ça les rapproche. Et ensuite, ils ont choisi deux voies différentes. Elon Musk a pris une voie plus risquée, puis avec une société où quand même c'est difficile de travailler chez SpaceX. Hein, il fait pas bon vivre hein, comme ingénieur chez SpaceX. D'ailleurs, il y a des actions judiciaires en cours des ex-employés qui se retournent contre Elon Musk. Chez Bezos, c'est différent. On est bien payé. C'est plutôt des anciens du spatial et avec une approche qui nous semble plus professionnelle. Alors tous les deux connaissent des réussites, donc je ne veux pas porter de jugement sur qui est meilleur que l'autre. Mais il ne faut pas sous-estimer ce que fait Jeff Bezos dans son aventure à lui. Voilà. Il y a notamment un petit lanceur, le New Shepard, qui a lui aussi réussi un retour sur Terre. Hein. C'est-à-dire qu'on envoie le lanceur, mais au lieu de le perdre, il est capable de... Enfin, il y a des étages qui sont capables de revenir sur Terre. On aura l'occasion de parler hein, de la question de la réutilisation. On pourra aussi reparler d'Ariane 6 quand même, ça. Il faudra ouvrir un grand chapitre sur le sujet, évidemment. Est-ce qu'on peut quand même aborder un nouveau chapitre, et puis il y en a plein d'autres hein, chapitres qu'on abordera ce soir, sur les lanceurs lourds? Alain Souchier, là on a parlé des lanceurs un peu de moyenne gamme, je dirais, mais si on regarde, je crois que c'est en page 3, si je ne m'abuse, on a, vous avez sur vos tables ce document là, et si vous regardez en page 3, il y a une page qui s'intitule « Les lanceurs lourds du futur ». Donc il y a plein de projets là, dans ce domaine-là, dont certains qui sont des vrais projets qui vont probablement sortir de terre ou sortir des usines. Alain Souchier, on a besoin de lanceurs lourds comme ça, qui sont de la taille des Saturn V, qui peuvent envoyer 100 tonnes en orbite ? Oui, alors effectivement, on a besoin de lanceurs lourds pour l'exploration humaine, lunaire ou martienne. La Saturn V qui avait été utilisée pour Apollo, c'était à peu près 130 tonnes en orbite autour de la Terre. Donc pour faire une mission lunaire, vous rappelez qu'Apollo, il faisait la mission en un seul coup. Pour faire une mission lunaire en un seul coup, il faut dépasser la centaine de tonnes. À la limite, on peut le faire en deux fusées de 50 tonnes. Mais si on veut faire des missions martiennes, il va falloir plusieurs lancements de 100 tonnes, entre 3 et 7. Donc on a vraiment besoin de lanceurs de la classe 100 tonnes pour les missions lointaines. Alors dans les petites planches, la petite planche que vous avez sur les lanceurs lourds, il y a effectivement plusieurs lanceurs en développement ou en projet, donc ils sont à des stades totalement différents. Le SLS, c'est celui que la NASA développe et qui est effectivement un lanceur de la classe Saturn V. Donc ça, c'est vraiment... un développement en cours, il ne s'arrêtera que si un changement de politique aux États-Unis l'arrête, mais c'est vraiment quelque chose qui est parti. Ce qui n'est pas impossible. Hein. Ça arrive toujours, ça peut arriver. Ouais. Normalement, d'après ce qu'on peut savoir, la prochaine élection américaine, ça ne devrait pas trop changer. Mais enfin bon, on verra bien en fin d'année. Donc ce lanceur, c'est de la classe Saturn V, il doit voler en 2018. Elon Musk a aussi un projet de lanceur. 2018, c'est demain. Ah, c'est demain, oui. Oui, non, il est bien avancé. Mais ce sera un lancement, quoi, tous les deux ans au début ? Son problème, c'est que ce sera un lancement tous les deux ans au début, parce qu'une fusée, une grosse fusée, ça coûte cher à lancer. Mais il faut voir qu'en général, la charge utile qu'on met sur cette grosse fusée va coûter de 2 à 5 fois plus cher que la fusée elle-même. Donc, ce n'est pas forcément le prix de la fusée qui va limiter le nombre de missions, c'est aussi ce qu'on met en haut. D'accord. Donc, au début, ils seront limités en nombre de missions et... ils envisagent à terme de la lancer deux fois par an à peu près. Alors Elon Musk est en train aussi de développer une fusée plus lourde que l'actuelle. Il va en fait accoler trois fois sa fusée actuelle pour faire le Falcon Heavy. Donc on la voit là. On la voit. Il va aussi le Falcon vouloir, Heavy. Donc pour bien comprendre, on a effectivement trois premiers étages, les uns à côté des autres. Absolument. C'est ça ? Voilà, on les voit bien là sur la. Et sur c'est un concept qui peut marcher puisque aux États-Unis, il y a une fusée qui s'appelle la Delta Heavy et qui était comme ça et qui fonctionne depuis un certain nombre d'années. Donc là, il veut lancer cette fusée à la fin de l'année, mais là, quand on regarde de près ses plannings. Il retarde de à peu près 11 mois tous les ans. Donc, on ne sait pas trop. Mais incessamment sous peu, quand même, si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, il devrait lancer cette Falcon Heavy qui est capable de 50 tonnes en orbite autour de la Terre. Je rappelle, une Ariane 5, c'est une vingtaine de tonnes à peu près. Ariane 6 fera à peu près du même ordre, sauf que les structures ne sont peut-être pas faites pour. Mais donc, c'est déjà deux fois et demi Ariane 5. Et elle devrait voler dans un an à peu près. Très gros lanceur, là, le Falcon Heavy. La moitié du lanceur lourd américain, la moitié de la Saturne. C'est pas encore un vraiment très gros. C'est un gros, mais c'est pas un très gros. Plus de deux fois le lanceur européen, voilà, Ariane 6. Alors, Elon Musk aussi, dans ses projets, Jérôme évoquait les gens qui, à l'approche de la quarantaine, se demandent ce qu'ils vont faire. Donc, Elon. Moi, c'est passé déjà. Elon Musk a toujours eu comme objectif de privilégier l'exploration de Mars. Ça, c'est son truc. C'est son truc. Et Bezos, il a dit, moi, ce que je privilégie, c'est l'accès à l'espace de tout le monde. Ils peuvent se rejoindre. Mais donc, ils ont des objectifs. Tout de le monde sur Mars. Non, tout le monde en orbite autour de la Terre, des hôtels, etc. Et bon, voilà. Alors que Musk, c'est Mars. Et donc, il doit présenter au prochain congrès d'astronautique en octobre prochain son grand projet de Mars Colonial Transport. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Et ça, c'est la troisième image, là. MCT, c'est le Mars Colonial Transport. Mars Colonial Transport. Donc, qui est aussi un lanceur de Alors, Elon Musk. Lui, il est monstrueux parce qu'il devrait faire pratiquement quatre fois la Saturne 5. Waouh. Donc, on attend avec impatience ce qui va sortir comme concept. Et il envisage d'envoyer comme charge utile sur Mars 100 tonnes. Ah, aujourd'hui, d'accord. Curiosity, qui est la plus lourde charge qu'on ait déposée sur Mars, c'est une tonne. Curiosity, c'est un rover. C'est le rover qui fonctionne. Un engin automatique roulant qui roule sur Mars. Donc on attend avec impatience ce projet qui paraît quand même cyclopéen et on ne voit pas trop où il pourra développer trouver le financement pour le faire parce que même s'ils font des développements pas chers, c'est un développement qui va coûter très cher. Alors les Russes ont aussi des projets de lanceurs un peu plus lourds. Une famille Angara qui commence à voler, mais c'est un projet, ça avance très lentement aussi comme projet. Et les Chinois ont également présenté des projets de fusées de la taille de la Saturn V ou du SLS. Voilà la panoplie des lanceurs lourds qu'on imagine dans le futur. Et c'est sûr qu'on aimerait bien qu'avec Ariane 6, on puisse aussi faire des jeux de construction et avoir des lanceurs du type Falcon Heavy en rassemblant plusieurs Ariane 6. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour réellement. Eh bien, ce soir, pour vous, ça va être à l'ordre du jour. Il suffit de passer la page d'après, page 4. Le potentiel sur base Ariane 6, c'est une diapositive qu'on doit à Alain Souchier lui-même. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire-là ? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire regarder, là, à droite ? C'est une Ariane 6 avec trois premiers étages et huit propulseurs à poudre, c'est ça ? C'est ça, oui. Ah oui ? Et donc, ça ferait à peu près trois fois. Donc, on serait environ à 60 tonnes. On serait peut-être un peu plus gros que le Falcon Heavy. Je ne sais pas si Jérôme a déjà fait les calculs de performance. Moi, pas encore. Je ne valide pas, dit le CNES, dit Jérôme. Alors dit Jérôme Villa. Le CNES, dans le passé, là c'était vraiment des études CNES, avait fait des études de lanceurs lourds dérivés d'Ariane 5, en mettant 5 moteurs Vulcain à la base, en mettant 2 à 4 boosters, et donc arrivé à un lanceur lourd basé sur Ariane 5, qui pouvait faire jusqu'à 80 tonnes en orbite basse. Donc le CNES a quand même fait des études de lanceurs lourds dans le passé, mais je ne crois pas qu'il en ait encore fait sur Ariane 6. Mais oui, je t'en prie, Jérôme Milla. Non, il y a une raison à ça, c'est qu'on a une réflexion stratégique. Aller sur Mars, ce n'est pas l'aventure d'Elon Musk, ce n'est pas l'aventure des États-Unis, de la Chine, c'est une aventure de l'humanité. Donc on ira, à la fin, on ira ensemble. Donc peut-être qu'on prend des chemins un peu compliqués pour y arriver, mais ce sera une aventure commune. Et dans cette aventure, chacun amène sa meilleure contribution, je dirais. Manifestement, il y a déjà des acteurs qui ont envie d'y aller, d'amener comme contribution des lanceurs très très lourds, donc les Américains, les Chinois. Les Russes, ils auraient envie, mais ils n'ont pas les moyens. Et l'Europe choisit d'apporter autre chose, donc de ne pas dupliquer un petit peu ce qui sera déjà fait par les Américains et les Chinois, mais d'amener autre chose. Donc on pourra en parler, peut-être du cargo, peut-être avec des lanceurs moyens, contribuer différemment à la feuille de route de l'exploration. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand même tous ces acteurs se parlent et qu'il y a une feuille de route internationale qui est échangée entre les différentes agences spatiales et les différents acteurs pour essayer de bâtir ensemble un chemin commun vers Mars. Absolument. En complément, effectivement, Jérôme a raison, l'humanité n'a peut-être pas les moyens ni besoin d'avoir 10 lanceurs lourds dans les 50 ans qui viennent. Excusez-moi, mais quand je regarde là ces planches, je me dis que c'est simple d'être ingénieur spatial. Je rajoute des premiers étages, je rajoute des petits boosters et puis ensuite je fais le calcul de puissance. Non, mais... Monsieur Alain Souchet me dit non, mais je vous en prie, allez-y, faites vos calculs. Non, expliquez-moi, là, je pense que c'est plus compliqué que ça tout de même. Non, mais ça va entraîner des problèmes de structure, architecture, les efforts physiques, mécaniques vont être complexes. Il faut évaluer tout ça. Vous allez entraîner des vibrations supplémentaires, tout ça peut se briser. Enfin, c'est déjà quelque chose sur lequel on se pose des questions pour le fameux Falcon Heavy qui va avoir trois corps ensemble. D'accord, vous demandez. Comment est-ce que ça peut tenir, tout ça, c'est ça ? Les contraintes vont changer par rapport à ce qu'est aujourd'hui le fonctionnement du Falcon 9. Parce que les contraintes mécaniques, c'est-à-dire comment ça pousse, comment je tire, Les liaisons vont travailler sur les étages en latéral d'une manière dont les étages ne travaillent pas aujourd'hui. Donc on se demande déjà comment vont être accrochés ensemble les trois corps centraux. Et bien sûr, sur un petit dessin comme celui que j'ai fait, la simple question qu'on se pose, c'est il faut que ça décolle, donc la poussée soit supérieure au poids. Il ne faut pas que ça décolle trop vite parce que sinon l'accélération va être trop forte et on va passer trop vite la vitesse du son. Donc c'est les premiers critères qui sont utilisés. Il faut que ça décolle, mais pas trop vite. Et ça permet déjà de commencer à faire des premiers concepts. Après, il faut calculer les performances. Et puis après, il y a des questions de contraintes mécaniques qui sont effectivement difficiles et qui vont jouer sur les structures. Jérôme Bilin. Oui, il y a effectivement des limites à l'approche Lego, là, telle qu'on la voit là. L'approche Lego, voilà, c'est ouais, ça. C'est ça. Qu'on a appris à nos dépens, d'ailleurs. Les premiers lanceurs européens qui s'appelaient la famille Europa, c'était chacun amener son étage et puis on jouait au Lego sans trop... Les Français apportaient le premier étage, les Anglais le deuxième, exactement. Enfin, et puis dans le sens contraire. Quand je dis qu'on a appris à nos dépens... Et puis on mettait tout ça bout à bout. 11 lancements, 11 échecs. Donc il faut 11 souvenir. Lancements, 11 échecs. On l'appelait le sous-marin, je crois, oui, parce qu'il tombait dans l'eau. C'est pas une série dont on peut être fier. Donc on sait que ça a des limites. Et bon, quand on regarde un peu de la physique qu'il y a derrière, ce sont des objets, encore une fois, qui sont très optimisés par rapport à des pièces de Lego qui, elles, sont robustes. Donc on peut les assembler et elles continueront à tenir. Si vous rendez une fusée très robuste, au bout d'un moment, elle est tellement robuste qu'elle ne va pas dans l'espace. Elle est trop lourde. La puissance des moteurs ne permet pas de compenser sa masse et elle n'atteindra jamais la vitesse qui lui permet d'aller en orbite. Et c'est ce qui fait que l'approche de rajouter des étages et des moteurs a des limites. Alors ceci dit, c'est quand même un exercice intéressant. Bon, voilà, on a brossé un petit tableau de la situation actuelle et puis aussi des lanceurs lourds futurs, mais il y a encore plein de sujets dont on n'a pas parlé, peut-être les micro-lanceurs, on a à peine évoqué Ariane 6, voilà, pas parlé de Mars. Alors qu'il va falloir des lanceurs pour aller sur Mars. Enfin bref, voilà, le micro est à vous. Si vous souhaitez, voilà, vous exprimer, monsieur. J'ai une question sur les lanceurs lourds. Est-ce qu'il y a un intérêt économique autre qu'aller sur Mars ou sur la Lune, puisque les compagnies comme SpaceX, elles ont besoin de se faire de l'argent. Donc avec les lanceurs lourds comme Falcon Heavy ou plus tard encore plus lourds, est-ce qu'il y a des satellites qui ont besoin de... assez lourds pour remplir des contrats comme ça ? Alors, aujourd'hui, il y a un moteur économique qui est celui sur lequel tourne l'économie spatiale, qui sont les satellites de télécommunication qui sont en orbite géostationnaire. C'est de manière très majoritaire, l'économie spatiale qui marche et qui permet d'alimenter, de lancer régulièrement les lanceurs Ariane, et c'est là-dessus qu'on surfe un petit peu pour rendre cette activité économiquement équilibrée. ces satellites géostationnaires, ils n'ont pas besoin de faire 30 ou 40 tonnes. Il n'y a pas vraiment de développement autour de ça. De la même manière, malgré les transformations que j'ai évoquées en début, les transformations de leur business, il y a une vingtaine de satellites qui sont lancés par an, géostationnaires. Il ne va pas y avoir tout d'un coup un bouleversement qui fait que ce chiffre passe à 40, 50, 60. Donc on est sur un business qui est stable, pour ne pas dire saturé. Donc je ne vois pas vraiment de besoin commercial qui porterait une activité économique autour des lanceurs très lourds. On pourra en reparler, c'est peut-être moins vrai. Enfin, il y a peut-être un peu plus de mouvement dans les petits lanceurs. Voilà. Gros lanceurs lourds, donc leur business, si je peux dire, c'est d'envoyer des gens sur Mars, mais là, c'est pas, ou sur la Lune évidemment, mais c'est pas avec ça qu'on va gagner d'argent. Du côté des Américains, justement, tout à l'heure, vous avez dit qu'à juste titre, qu'ils allaient lancer leur gros lanceur une fois tous les deux ans pour commencer. Et bien entendu, ils se sont décarcassés pour essayer de trouver des missions qui ne soient pas les missions humaines vers la Lune ou qui ne soient pas les missions humaines vers Mars. Et donc, c'est extraordinairement cher, là, pour le coup. Voilà, donc, parce qu'il va falloir ce lanceur, effectivement, qu'il soit lancé le plus souvent possible pour qu'il soit un peu économique et que la fiabilité se maintienne et que les équipes soient rodées, etc. Donc, ils envisagent quand même, ils ont regardé beaucoup de missions dans le système solaire, c'est-à-dire aujourd'hui, ou pour envoyer une sonde vers la Rosetta, vers la comète Churyumov-Gerasimenko, on fait du billard à 5 bandes entre les planètes pour y arriver. Il a fallu 12 ans, je crois, entre le décollage et l'arrivée sur la comète. Ils présentent maintenant un certain nombre de missions lourdes, enfin de satellites qui font, disons, 6 ou 7 tonnes, ce qui est relativement lourd pour une sonde interplanétaire, qui pourrait aller vers Jupiter, vers Uranus, vers Pluton, beaucoup plus rapidement grâce à ce lanceur lourd. Ça, c'est une application qui sera aussi également chère, parce qu'envoyer une sonde de 6 tonnes dans le système solaire, ça sera très cher. Alors, on s'est aussi posé la question, les lanceurs lourds sont dans la gamme qui permettrait de commencer à envisager une défense de la Terre contre les astéroïdes qui nous menacent. Parce que ce qu'il faut envoyer vers un astéroïde pour commencer à le dévier, quelques années à l'avance, il suffit de le dévier un petit peu longtemps à l'avance pour qu'il évite la Terre, on tombe sur des missions qui sont de la classe des lanceurs lourds. Il y a d'autres... Et c'est quoi l'idée ? C'est de créer un impact sur l'astéroïde qui est en train On ne sait pas encore, il y a créé l'impact, mais l'astéroïde peut se diviser en petits morceaux, donc à ce moment-là, au lieu d'avoir un impact sur Terre, vous allez en avoir une dizaine, donc ce n'est pas forcément très bien. Non. Donc les premières missions qui vont étudier les astéroïdes vont justement se poser la question de leur contenu, comment ils sont faits, quelle est leur densité. Selon leur densité, c'est très différent. Selon qu'on a affaire à un pierreux plein de trous et de glace, ou selon qu'on a affaire à un truc en nickel... C'est nickel cobalt, quoi. Donc ça, il sera plus facile à dévier par un impact. On peut aussi déposer sur le satellite un truc qui va pousser pendant assez longtemps. C'est-à-dire un moteur. Un moteur, ouais. Voilà. Et quand on commence à calculer la quantité d'ergol, la masse qu'il va falloir déposer... L'ergol, c'est les carburants. C'est le carburant, ouais. Ouais. Et quand on commence à calculer si on voulait dévier un astéroïde de 300 mètres, 400 mètres, etc., je rappelle qu'un astéroïde, il fait un trou sur la Terre qui est 20 fois à peu près son diamètre. Donc un truc de 500 mètres, il va faire un trou de 10 km. Et un trou de 10 km, il va quand même raser une grande partie de la France. Voilà. C'est Paris, oui, mais les retombées, l'impact et l'onde de choc et le feu, voilà, c'est ça. Donc on pourrait commencer à dévier des astéroïdes de 300 à 500 mètres avec des charges utiles de la classe des lanceurs lourds. Donc c'est une application intéressante. Et puis alors il y a aussi, à un moment, les gens pensaient faire ce qu'on appelle les fermes à antennes ou bien des stations de puissance électrique, c'est-à-dire avoir des panneaux solaires en orbite géostationnaire et de renvoyer de l'énergie solaire vers la Terre. Mais bon, ça c'est encore un peu science-fiction et puis... c'est pas forcément très rentable. Mais c'est vrai qu'il y a une recherche de ce que pourraient être les missions des lanceurs lourds en dehors des missions lunaires et martiennes. Une autre question. Oui, vous pouvez quand même expliquer le titre de ce soir, y compris cet au-delà pour moi intriguant, n'est-ce pas ? Et en réalité, à quelle distance on peut envisager d'envoyer une fusée avant que tout soit en panne aussi ? Parce que en réalité, ça va être ça. Si on veut une exploration, je ne sais pas où, extrasolaire, je ne sais pas, enfin... Alors, les fusées elles-mêmes, la mission de lancement est assez courte, tout est relatif, mais enfin, ça dure quelques heures, hein, même pour vous mettre sur une trajectoire qui vous enverra de manière parabolique vers Pluton. Donc la fusée, c'est une mission à durée limitée et quelques heures au maximum. Ce qui est combien, c'est une année-lumière ou quelque chose comme ça ? 4 années-lumière, ah oui, d'accord. 4 années-lumière, là, ça commence à faire. Il faudrait quelques centaines de milliers d'années, je suppose, pour... J'imagine. Oui, pour aller là-bas. Ça dépend de la vitesse. Hein. Ça dépend de la vitesse, d'accord. Oui, on est d'accord. D'autres interventions. Je viens à vous. Bonsoir. Donc une petite question aussi sur l'intérêt des lanceurs lourds. Est-ce qu'il pourrait être intéressant d'envoyer de multiples satellites en une seule fois ? Donc un lancement en grappe ou ce genre de choses pour justifier l'usage de ces fusées massives. Alors c'est déjà comme ça que fonctionne l'économie d'Ariane. Je dirais Ariane, notre point économique repose sur le fait qu'on lance deux satellites de télécommunication à la fois pour les missions commerciales. Donc c'est une forme de lancement multiple, il y en a deux. Et puis quand on n'a pas parlé dans le mot d'introduction, j'aurais pu en dire quelques mots, des projets de constellation de satellites, donc cette fois où vous pour des missions de télécommunication, où vous recouvrez un petit peu la planète d'une myriade de petits satellites qui se chargent de gérer le réseau de communication, un peu comme un backbone Internet, un peu comme des routeurs Internet que vous trouvez sur Terre. Là, pour lancer des constellations comme ça, c'est clair qu'on fait du lancement groupé. Une constellation, ça peut être des centaines de satellites envoyés. Des milliers, même. Voire des milliers. Voire des milliers. Donc OneWeb, qui est une des constellations les plus avancées. OneWeb. OneWeb. Et qui est dans lequel les Européens sont bien placés, puisqu'Airbus s'y est associé, et puis Ariane Espace a signé le contrat de lancement, et puis bon, sans dévoiler de secret, on y travaille un petit peu. C'est 900 satellites, OneWeb. SpaceX a un projet de constellation de combien, 4000 satellites, quelque chose comme ça ? Plusieurs milliers de satellites, mais qui est moins avancé. Alors, quand on lance des constellations comme ça, on a recours à du lancement groupé, on va lancer autant de satellites qu'on peut. Là aussi, il y a une limite parce que ces satellites-là, ils sont déposés sur des plans d'orbite différents et on ne peut pas servir plusieurs plans d'orbite avec une seule mission de lancement. Donc à un moment donné, on est limité au nombre de satellites qu'on va amener sur un plan d'orbite. Voilà. Mais pour revenir à la taille des lanceurs, des fusées lourdes comme Falcon 9 ou Falcon Heavy ou comme Ariane 6 ou Ariane 5 aujourd'hui, sont bien optimisés pour les constellations de ce type-là. Il n'y a pas besoin d'avoir une fusée plus lourde. On ne saurait pas quoi faire de la capacité supplémentaire. Alors on peut rester dedans. Ah, bah Xavier, je t'en prie, bah vas-y, oulala. T'es chez toi. Hein. Vas-y. J'étais bien naïf il y a quelques années, un mardi par soir au café du Pont-Neuf. Je gagnais ma vie avec des chansons engagées. J'avais juste de quoi me payer un œuf. Et quand j'ai créé ma petite société, si au début c'était une vraie prise de risque, la NASA a fini par s'y intéresser et j'ai pu gagner un max de fric. Je coule des jours paisibles maintenant que j'ai vendu ma retraite, je la passe à Honolulu. De nouveaux managers sans scrupules ont repris le flambeau. Fait pas bon d'y être ingénieur, mais chez moi fait toujours beau. OneWeb, alors continuons avec OneWeb. C'est un projet incroyable. L'idée, c'est donc d'envoyer 900 satellites qui tourneraient autour de la Terre pour fournir de l'Internet partout sur le globe. Hein. Pas besoin d'avoir des antennes relais, hein, comme on les appelle. Donc vous êtes dans le désert, vous êtes en mer, vous pouvez avoir... Et puis aussi dans des zones qui ne sont pas... qui ne sont pas connectés, vous pouvez avoir l'Internet. Alors, vous avez dit quand même qu'il y a un contrat, si je peux dire, si je ne me trompe pas, qui a été signé, mais pour autant, il n'est pas assuré que les lancements se fassent, parce que le projet, il n'est pas encore complètement financé. Alors, le projet a ses propres défis à affronter, dont le défi du financement, mais c'est le projet le plus avancé dans cette catégorie. Il y a plusieurs projets de constellation qui fleurissent un petit peu. Il y a eu déjà une première vague de projets de constellation dans les années 2000, et toutes se sont écroulées pour différentes raisons. Je pense que ce n'était pas le bon moment, et puis il y a eu une bulle financière qui fait qu'ils n'ont pas trouvé leur chemin. Il y a eu notamment Iridium. Alors Iridium a fait trois fois faillite avant. Voilà, a fait trois fois faillite, mais enfin, il y a des satellites Iridium qui existent aujourd'hui. Il y a eu Télédésie qui était un projet supporté par Microsoft, donc ce n'était pas non plus n'importe quoi qui s'est écroulé. Skybridge qui était supporté par Alcatel. Skybridge, oui. Ouais. Bon, enfin, c'était pas le bon moment. Ça revient sous une forme différente, avec des technologies qui sont plus mûres. Et là, il y a quand même une... ça reste une interrogation, mais les chances de succès sont meilleures. Et OneWeb marque des points, en tout cas, est en avance sur les autres projets, oui. Alors, c'est drôle parce que les questions là, que j'ai entendues portaient pas mal autour des lanceurs lourds. Mais est-ce que, pour vous, Big is Beautiful, en d'autres termes, est-ce que quand on veut envoyer des charges lourdes dans l'espace, notamment par exemple aller sur Mars, est-ce qu'on a besoin de très gros lanceurs comme le MTC, là, le projet absolument faramineux de SpaceX, ou est-ce qu'il vaut mieux pas avoir des lanceurs moyens ou des gros lanceurs moyens qui font plusieurs lancements? Est-ce que ça a du sens pour vous, Jérôme Villa? C'est pas un peu dinosaure, cet truc-là? Ça fait pas un peu rêve d'ingénieur? Alors pour moi, évidemment, ça a du sens. Alain, vous avez, enfin, ça a du sens d'utiliser des lanceurs de moins de capacité et de proposer un schéma de transport qui permet de désassemblage en orbite et de servir un petit peu toute cette logistique pour l'exploration. Donc pour vous, Big n'est pas complètement beautiful, on est d'accord? Il faut probablement les deux. Donc ouais. Alain vous a expliqué pourquoi il fallait aussi, pour du vol habité, il fallait quelques lanceurs super lourds, parce qu'à un moment donné, c'était nécessaire pour rendre les missions simples, je dirais, pas trop risquées. En revanche, pour amener... vous pouvez imaginer que si un jour on va sur Mars et qu'on y va de manière régulière, il y a toute une chaîne logistique à assurer. Il faut amener des modules d'habitat, il faut amener du cargo, il faut amener de la nourriture, etc. Et pour servir cette chaîne logistique, nous pensons qu'il y a la place pour des lanceurs moyens avec des véhicules qui font l'aller-retour sur Mars à des vitesses plus lentes. Ils ne sont pas pressés puisque c'est de la logistique, hein, c'est du transport un peu comme les citernes ou les containers qui voyagent sur rail ou même sur des péniches en Europe. C'est un petit peu ce modèle-là aussi qu'on regarde avec des lanceurs de moins de capacité, enfin, qui sont les lanceurs qu'on utilise commercialement comme la classe Ariane. Moi, j'avais une question par rapport à la constellation et par rapport à ce que vous avez dit plutôt d'augmentation exponentielle du nombre de satellites. Ouais. Par rapport à la question de la pollution de l'orbite terrestre, par rapport au fait que justement, est-ce qu'on ne va pas arriver à un point où il y a tellement de satellites que... leur retombée et leur destruction mettra trop de temps pour qu'on puisse même envoyer d'autres satellites dans l'espace. C'est ce que vous décrivez, ça s'appelle le syndrome de Kessler, qui est un scientifique qui est encore vivant d'ailleurs, qui a montré qu'à un certain degré de pollution, de nombre d'objets en orbite, même si on arrêtait tous les lancements et toute activité spatiale, juste les collisions entre objets qui sont déjà en orbite suffisaient à encore augmenter et puis à rendre cette situation incontrôlable. On aurait une réaction en chaîne avec quelques collisions qui entraîneraient beaucoup de débris supplémentaires, lesquels débris entreraient en collision avec encore d'autres appareils, de telle sorte que là, on aurait une réaction en chaîne. C'est ça. Ouais. Donc vous pouvez imaginer en effet qu'avec des constellations de satellites en orbite basse, ce problème se pose et c'est un des défis que doivent affronter ces projets de constellations. Comment organiser le trafic de manière responsable, je dirais, pour que l'activité soit soutenable à long terme. Donc en dehors de l'aspect responsable ou de l'aspect éthique, je dirais que même pour eux, c'est un besoin commercial. Économique, sinon, ouais. Sinon, ils ne feront qu'une première génération de quelques années, et après, ce sera fini, et ça tuera leur économie pour plusieurs années. Donc ils s'en soucient beaucoup. Donc pour ce qui est de OneWeb, par exemple, ils ont prévu dans le design de leur satellite suffisamment de carburant pour faire des manœuvres en fin d'orbite. De la même manière, ils ont prévu aussi par plan d'orbite un satellite particulier qui est un peu différent des autres et qui peut aller secourir un satellite qui est en difficulté. Et bon, ensuite, pour élargir un petit peu, c'est vrai qu'on a des projets, nous comme d'autres, hein, dans d'autres pays, de véhicules qui viendraient faire ce service-là en orbite, donc qui viendraient faire du service de nettoyage, chercher un mot poli pour pas dire déchets, qui viendrait un petit peu, qui viendrait nettoyer les, enfin retirer les satellites qui sont peu opérationnels et qui sont hors contrôle. Donc ce sera un engin automatique, ce sera un appareil automatique qui serait capable de se diriger dans l'espace. Et vous pouvez nous décrire la mission ? Oui, c'est à peu près ça. C'est un engin automatique qui serait déjà en orbite, qu'on aurait lancé auparavant et qui attend qu'il y ait une mission qui soit nécessaire, qui a sans doute d'autres fonctions en attendant. Et puis au moment où on doit aller secourir, prenons le cas des deux satellites Galileo qui avaient été mis sur une orbite un peu difficile, si un tel objet avait existé, eh bien, cet objet aurait fait un rendez-vous avec un des satellites Galiléo et l'aurait amené sur une orbite qui est un peu plus intéressante que celle sur laquelle on l'a lancé aujourd'hui, même si ces deux satellites-là, in fine, ont rejoint une orbite opérationnelle. Alors, d'autres interventions. Michel a toujours quelque chose à dire. J'avais une question sur un des lanceurs présentés et puis une question plus générale après. On a survolé, si j'ose dire, le lanceur Angara des Russes. Il me rappelle la forme de la fusée Energia qui avait servi pour la navette russe. Est-ce qu'il y a un rapport ou est-ce que c'est un concept complètement nouveau par rapport à ce que faisaient les Russes avant ? Parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. C'est un concept nouveau. En fait, surtout, ce qu'il faut voir, c'est que l'Angara qui commence à voler, ouais, c'est la version de base. Et l'image que j'ai présentée, c'est une version avec plein de boosters qui, pour l'instant, il la montre. On la voit, si on voit le Salon du Bourget, on la trouve en maquette sur leur stand. Mais il n'y a pas de date annoncée. Alors, au point de vue motorisation, c'est le RT, Passagero. Alors, c'est Khrunichev hein, qui fait Angara. Donc, c'est plutôt, si vous connaissez le tissu industriel russe, c'est plutôt Khrunichev, les gens qui font Proton, etc. Donc, c'est pas ceux qui font Energia. Ouais. J'ai un petit livre qui date d'une dizaine d'années où le projet Angara est déjà présenté avec une forme comparable à celle qu'on voit là. Donc, ça veut dire que ça n'a pas forcément beaucoup avancé. C'est ce que je voulais dire de manière un peu soft en disant qu'ils avaient des problèmes, les Russes, et qu'ils devaient prendre. Alors, la Russie, je peux en parler des choses que vous savez évidemment. La situation économique en Russie n'est pas bonne. La chute du cours du pétrole les impacte fortement. Les sanctions aussi qu'on a prises après la crise ukrainienne les impactent beaucoup. Et ça se traduit par des coupes dans leur budget spatial. Ils sont arrivés au niveau, là, ils viennent d'adopter leur plan décennal, donc leur plan budgétaire sur 10 ans, ils sont arrivés au niveau du budget du CNES. Ils sont tombés bien bas par rapport à leur grandeur. Mais le CNES fait de grandes choses avec son budget. La Russie a trop d'ambition par rapport au budget qu'ils auront disponible pendant 10 ans. Donc, en résumé, il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes, comme disait quelqu'un. L'autre question beaucoup plus vaste, c'est par rapport aux moyens non conventionnels de propulsion, du genre moteur ionique, etc. Est-ce qu'il y a eu des développements ces temps-ci ? Enfin, je dis ionique parmi d'autres. Hein. Est-ce qu'il y a eu des développements ces temps-ci suffisamment intéressants pour en parler dès maintenant ? Ou est-ce que ça reste, si j'ose dire, en l'air ? L'intérêt de la propulsion, alors il y a la propulsion, on l'appelle électrique en général, parce que ionique c'est une particulière, il y a beaucoup de propulsions électriques différentes. L'intérêt de cette propulsion, bien sûr, c'est son rendement, c'est-à-dire qu'on va consommer à peu près 4 fois moins de carburant pour la même poussée. Ce qu'il y a, c'est qu'on a des poussées extrêmement faibles. La contrepartie, c'est qu'on peut pousser pendant très longtemps. Il y a une particularité de la propulsion électrique par rapport à la propulsion fusée, c'est que dans la propulsion fusée, c'est la combustion des deux fluides qui fait l'énergie dont vous avez besoin et qui, en même temps, produit le fluide que vous éjectez. Quand vous avez de la propulsion électrique, vous avez un fluide. Alors concrètement, on va reprendre donc la propulsion chimique. Hein, on prend deux fluides, c'est quoi par exemple ? Ben, c'est l'hydrogène-oxygène, par ça, exemple. C'est des masses peroxydes. Ok, très bien. Oxygène-kérosène. Oxygène liquide, hydrogène liquide. On les met en contact. Ça donne de l'énergie et c'est cette énergie. Ça brûle. Ça donne de l'énergie au fluide qui est le résultat de la combustion, qui est voilà, un gaz. C'est ça. Et c'est donc ça qu'on éjecte. On éjecte action, réaction. Gaz, on éjecte ces gaz. Voilà. Et donc ça fait partir la. Par action réaction, ça fait partir la fusée. Okay. Dans la propulsion électrique, vous accélérez des ions. Il faut d'abord arriver à ioniser le produit. Souvent, on prend du xénon parce que c'est facile à ioniser. Un ion, c'est une c'est un atome dans un lequel atome. Déséquilibré parce qu'il lui manque quelques électrons. Donc, il va être chargé plus. Et il est chargé électriquement. Il est chargé électriquement plus et vous l'accélérez avec un champ électrique. Mais la grosse problème. Il faut juste parce que vous allez, ça va vite hein, quand même. Donc champ électrique, ça veut dire que je suis capable de propulser justement ces petits ions, ces petits atomes. Donc il y en a très très peu hein, d'une certaine manière, mais je suis capable de les propulser extrêmement vite. Voilà, c'est ça. Et ça va consommer très très peu de carburant. Oui, parce qu'il va aller très vite et la poussée c'est. La masse multipliée par la vitesse. Donc si vous multipliez votre vitesse par 4, vous consommez 4 fois moins de carburant. Si vous multipliez votre vitesse par 10, vous consommez 10 fois moins de carburant. Donc avec la propulsion électrique, je pousse peu, mais très très très longtemps. Et le problème, c'est que l'énergie n'est pas là. Oui. Pour fabriquer ce champ électrique qui va accélérer Oui, quelle énergie. Votions, il ne voulait pas d'énergie, ce n'est pas une combustion là. Il faut une source d'énergie. Et c'est ça le grand problème de la propulsion électrique. Ouais. Donc il vous faut une source d'énergie. Jusqu'à aujourd'hui, c'est des panneaux solaires. On prend sur les panneaux solaires du satellite quand c'est sur un satellite. Donc c'est de l'électricité, c'est pour ça qu'on appelle ça la propulsion électrique. Il faut fabriquer de l'électricité d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et vous la fabriquez soit avec des panneaux solaires, soit peut-être dans le futur avec des réacteurs nucléaires. Mais il faut bien voir que la propulsion électrique n'a pas sa source d'énergie, alors que la propulsion fusée, elle a sa propre source d'énergie. Voilà ce que je voulais dire. Alors l'autre, après je passerai la parole à Jaume, l'autre approche, c'est que ça existe actuellement sur des satellites, la propulsion électrique. C'est-à-dire, elle se développe naturellement par les besoins commerciaux. Et donc, petit à petit, on avance dans ces domaines-là et on va aller vers des puissances de plus en plus grandes. Donc pour qu'un satellite reste à poste, il a besoin de faire quelques poussées de temps en temps. Il peut le faire avec la propulsion électrique, hein, c'est ça l'idée. Mais on ne va pas décoller de la Terre avec de la propulsion électrique, Jérôme Villain. Alors, c'est ce que je voulais dire. Voilà, il y a des avancées et puis des découvertes dans la propulsion. Mais ça reste cantonné au domaine de la petite poussée. Donc quelque chose qui vous est très utile une fois que vous êtes en orbite, parce qu'à ce moment-là, vous avez le temps et vous pouvez avoir des propulsions très efficaces, même si elles sont à très faible poussée, comme la propulsion électrique ou comme les voiles solaires ou des choses comme ça. En revanche, dans le domaine de la grosse propulsion, qui elle est celle qui vous est nécessaire pour faire une fusée, pour vous arracher à l'attraction de la Terre, il y a très peu de nouveautés depuis l'invention de la propulsion chimique et puis les réactions d'oxydoréduction là, qui basent un petit peu qui sont la base de cette propulsion là. Alain Suchier. Non, c'est pas pour annoncer une découverte. À moins que vous ayez une découverte à nous annoncer. Aujourd'hui, quand on parle d'un moteur Vulcain, on dit là une poussée de 130 tonnes. Vulcain, c'est sur Ariane 5. Sur Ariane 5. Quand on parle de la propulsion électrique, je dis en plaisantant à mes collègues de propulsion électrique, ils n'osent plus parler de poussée, ils parlent de puissance électrique. Ah. Alors on vous dit, il y a un moteur de 1 kW, il y a un moteur de 5 kW, il y a un moteur de 20 kW. Et alors, bon, il faut traduire en poussée. Le moteur de 1 kW, il fait 8 grammes de poussée. Le 8 moteur, grammes de poussée. Absolument. Le moteur de 5 kW... Ça veut dire que c'est le poids d'une carte postale sur ma main. Voilà. Le moteur de 5 kW, il fait 40 grammes. Et en Europe, on a fait du 20 kW. Donc, on a dépassé 1 newton de poussée, c'est-à-dire 100 grammes. On a monté à 150 grammes. Formidable. Alors, on ne peut pas décoller la Terre. Mais par exemple, la Philae aurait pu décoller de sa comète avec de la propulsion électrique. Voilà. Il n'y a guère que les astéroïdes desquels on puisse décoller avec de la propulsion électrique. Mais quand même, il y a une sonde européenne qui s'appelait Smart Antoine, qui est allé sur la Lune grâce à de la propulsion électrique. Hein. Oui, elle était en passager d'une mission Ariane, donc elle était sur la fameuse orbite de transfert géostationnaire qui ne monte qu'à 36 000 km d'altitude. Or, la Lune est à 380 000, disons 10 fois plus loin. Et avec sa propulsion électrique, qui était donc à 1 kW, donc elle avait 8 grammes de poussée sur une sonde qui faisait 160 kg, je crois, à peu près. Elle a mis un an atteindre le voisinage lunaire. Et elle s'est plus ou moins faite capturer par la Lune. Et après, il a fallu encore un an d'un peu de freinage pour que l'orbite descende plus bas. Donc, quand on n'est pas pressé, effectivement, la propulsion électrique marche. Et c'est une solution. Tout à l'heure, Jérôme faisait allusion à des missions cargo vers Mars qui puissent être accomplies. Mission cargo, c'est-à-dire on veut transporter du cargo, donc du fret. Logistique, du fret, de la nourriture. Mars, pas des hommes. Et ceci pourrait être fait, effectivement, avec des lanceurs moyens complétés par de la propulsion électrique en prenant son temps. Alors, on riait tout à l'heure des questions de financement, mais je voudrais rappeler quand même que la France est un des pays les Français d'ailleurs, sont un des pays qui investissent le plus dans l'espace. Hein, c'est par tête d'habitants, si je peux dire, on est du point de vue dans le spatial, on est quand même très, très actifs financièrement. Monsieur. Oui, donc vous avez fait un point sur la propulsion électrique et j'aurais aimé savoir où on en est sur la propulsion nucléaire. Alors, je vais en toucher quelques mots, puis je vais passer. Le micro, Alain. Il n'y a pas de projet, comment dire, structuré pour la propulsion nucléaire. Donc on l'étudie au titre de la même manière qu'on va étudier d'autres types de propulsion un peu futuristes pour garder une curiosité quand même bien technique sur le sujet et être à même d'agir si jamais on sent qu'il s'est passé un bouleversement et que ça devient une propulsion d'avenir. Alors une fois que j'ai dit ça, on a quand même décroché, et puis j'en suis très content, parce que c'est chez nous, deux budgets de l'Union européenne sur la propulsion nucléaire, un projet qui s'appelait Megahit, qui a eu lieu entre 2010 et 2015, et qui est prolongé sous un autre nom, il s'appelle maintenant Démocritos, Donc qui est un projet qui est animé par le CNES et dans lequel on a des partenaires, y compris des partenaires russes, pour travailler sur des concepts de propulsion nucléaire. Avec quel budget là typiquement ? Alors les budgets de l'Union européenne c'est typiquement 3-4 millions, donc c'est vraiment des budgets d'études et puis de curiosité bien sentie. On n'est pas du tout passé au stade où on a envie de développer quelque chose. Et c'est du nucléaire électrique, c'est-à-dire qu'on fait en effet, comme un peu le suggérait Alain, on fait le lien avec notre domaine d'excellence qui est la propulsion électrique. Alors j'en profite pour souligner après ce qu'on vient de dire, l'Europe et puis la France en particulier est très très bien placée dans la propulsion électrique et il faut s'en féliciter. C'est une toute petite équipe à Vernon, il faut penser à eux, parce qu'ils ne sont pas dans la grande société Airbus Safran Launcher, donc c'est un domaine d'excellence qu'il faut cultiver. Et c'est avec le même type de propulsion électrique qu'on peut alimenter par des panneaux solaires qu'on imagine utiliser, alimenter cette fois par un cœur nucléaire pour des trajets beaucoup plus loin que le soleil, parce qu'on a recours à la propulsion nucléaire parce qu'on se trouve loin du soleil et les panneaux électriques deviennent inefficaces. Donc ça, le nucléaire électrique dont vous parlez, on reprend notre système de la propulsion électrique, hein, l'idée c'est d'envoyer des ions, mais cette fois-ci avec toujours le même problème qui est quelle est la source d'énergie. Et bien là, on a une énorme source d'énergie puisqu'on a un cœur nucléaire, on a un réacteur nucléaire qui va produire de l'électricité, l'électricité dont on a besoin pour accélérer ces ions. Et là, pour le coup, on peut avoir de très fortes puissances alors. Alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est 1 kW le projet sur lequel on travaille. Donc, c'est beaucoup plus. C'est 100 kW peut-être. Ça doit être 100 kW alors. Ouais. C'est à partir de... En fait, dans cette source électrique, je vous ai dit, il y a deux sources possibles, les panneaux solaires ou les petits réacteurs nucléaires. Les panneaux solaires font tout le temps des progrès. Les gens travaillent sur les panneaux solaires, il y en a dans l'espace, il y en a sur les maisons. Alors que les sources nucléaires, pour le spatial, le monde entier y a très peu travaillé, c'est surtout arrêté dans les années 70. Donc en fait, à partir d'un moment, il va falloir passer de panneaux solaires, si la puissance est trop élevée, à réacteurs nucléaires. Il y a 20 ans, je vous aurais dit, on passe à du nucléaire à partir de 100 kW. Maintenant, je vous dirais, on passe de panneaux solaires à source nucléaire, probablement vers 300 ou 400 kW. Mais on peut faire en dessous, bien sûr, avec du nucléaire. Mais les panneaux solaires ont fait quand même des progrès sans arrêt, alors que le nucléaire, lui, ne progresse pas. Mais vous imaginez vraiment envoyer un réacteur nucléaire dans l'espace ? Alors, le problème, c'est le lancement, la sécurité au lancement. Un réacteur nucléaire, ça peut être assez toxique sur le plan chimique, mais s'il n'a pas commencé à fonctionner, il est pas hyper radioactif. Il ne devient radioactif que quand il a commencé à fonctionner. Et donc, on peut le faire fonctionner une fois qu'il est dans l'espace. Voilà. C'est ça. On peut faire diverger le réacteur, comme on dit, l'allumer, si je puis dire, initier la réaction en chaîne une fois que le lanceur est dans l'espace. Voilà. Vous avez tout dit, c'est le principe. Pardon. C'est le principe pour lancer en toute sécurité, c'est que la réaction nucléaire elle-même ne soit initiée qu'une fois dans l'espace où on amène les composantes matériaux qui peuvent s'initier entre elles et on amorce la réaction. D'autres interventions ? Oui, je vous en prie. Et si la fusion nucléaire se développe, ça pourrait être intéressant pour le spatial ? Dans l'absolu, oui. Alors, je ne sais pas si vous faites référence à un projet particulier. Lockheed Martin fait de la communication depuis 2-3 ans sur le fait qu'ils ont développé un formidable moteur à fusion nucléaire. Vous pouvez nous rappeler fission-fusion ? J'ai peur de sortir de mon domaine de compétences. Toi, tu peux l'expliquer simplement. Alain Souchier, fission-fusion. Avant qu'on parle de... La fission, c'est quand on casse un atome, en général d'uranium, et que ça dégage de l'énergie. C'est valable pour les atomes très lourds. Et la fusion... C'est ce qu'on fait donc dans les réacteurs nucléaires. Ça, c'est ce qu'on fait dans les réacteurs nucléaires. On prend l'uranium, gros atome, on le brise, ça dégage de l'énergie. Et dans les bombes atomiques A. Et la fusion, c'est on prend deux atomes d'hydrogène... d'hydrogène lourd, donc il y a un neutron, un proton, et on les fait se cogner ensemble, ils font un atome d'hélium, et dans ce sens-là, pour des faibles masses, ça dégage aussi de l'énergie. Alors ça, c'est le mode de fonctionnement du Soleil. Le Soleil est une bombache en permanence. Et la fusion est beaucoup plus énergétique beaucoup que plus la énergétique. Fission. C'est pour ça que dans le monde entier, on essaye de faire de la fusion contrôlée, parce que le jour où on fait de la fusion contrôlée, on arrivera à produire beaucoup plus facilement de l'énergie qu'avec des réacteurs nucléaires classiques qui, eux, marchent sur le principe de la fusion. Donc effectivement, la fission. Donc la fusion est un progrès de type un peu science-fiction, parce qu'il faudra déjà qu'on fasse de la fusion contrôlée sur Terre dans des machins qui vont peser 1000 ou 2000 tonnes avant de commencer à se dire on va pouvoir utiliser ça sur un bidule qui vole. Et pourtant, vous dites, Jérôme Bula, que Lockheed Martin, le géant américain, y pense ? Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais ajouter. Pourtant, malgré ces réserves que je partage, hein, Lockheed Martin fait des annonces depuis 2 ans en disant « j'ai la capacité, enfin, j'ai fait des avancées majeures pour un moteur de fusion nucléaire spatialisé ». Comment vous interprétez une annonce comme ça? Parce qu'on a envie d'en rire spontanément, mais comme c'est Lockheed Martin, on se dit non, il y a quelque chose. D'en rire, non, parce que Lockheed Martin, ils ne me font pas rire. Mais non, je suis aussi curieux que vous. J'ai pas d'éléments tangibles pour dire que c'est une annonce, c'est du bluff, ou bien ils ont vraiment fait quelque chose. Je pense que si c'était vraiment sérieux, leurs autres concurrents américains seraient très inquiets et puis feraient des contre-annonces ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, c'est unilatéral. Lockheed Martin fait des annonces. Il publie des articles d'Aviation Week, des articles scientifiques, avec très peu de données techniques. Donc, on regarde un petit peu, nous, pour se voir où ils en sont. Il y a peu de détails qui sont disponibles. Donc, ça, voilà. On observe. À voir, à voir. Bon, moi, je vais reprendre le titre. Lanceur, l'infini et au-delà. Et on va parler de l'infini et d'au-delà. Alors mes questions, c'est effectivement, on parle beaucoup d'exploration interplanétaire, mais maintenant on va s'intéresser à l'exploration interstellaire. Récemment, il y a eu une découverte de planètes habitables autour d'une étoile qui se trouve à 40 années-lumière à peu près. Donc la question qu'on se pose logiquement, c'est bon, 40 années-lumière, il faut combien de temps pour y aller? Donc ma question va être la suivante. Imaginons une étoile qui se trouve à une année-lumière seulement. La lumière met un an pour y aller. À 300 000 km par seconde. Combien de temps, nous, on mettrait avec les technologies actuelles? C'est-à-dire, si par exemple, notre vaisseau spatial se déplace à 10 km par seconde, on va mettre 30 000 ans. Donc, la question que je pose, c'est pour savoir combien de temps il faudrait pour atteindre ces planètes soi-disant habitables, quelle est la vitesse actuelle des vaisseaux spatiaux et quelles sont les perspectives d'amélioration de cette vitesse des vaisseaux spatiaux? Est-ce que je me suis bien exprimé? Je peux essayer de répondre, mais je ne vous garantis pas que... Donc, vous savez qu'on a un cas qui existe, enfin même plusieurs cas, puisque Pionier 10, Pionier 11, Voyager 1, Voyager 2, je ne sais pas s'ils sont tous sur une vitesse d'échappement du système solaire, mais enfin, il y en a au moins 3 qui sont en route vers l'infini. Au-delà, c'est un peu plus dur, mais enfin, ils sont au moins en route vers l'infini. et ils représentent ce qu'on peut faire à l'heure actuelle, hein. Donc on pourrait, aujourd'hui, avec le SLS dont je vous ai parlé tout à l'heure, si on lui mettait quelques petits étages supplémentaires, on pourrait peut-être multiplier la vitesse par rapport à ce qu'a fait Voyager dans un rapport 3 ou 4, mais guère plus. Donc on va tomber toujours dans des centaines de milliers d'années. Il y a un projet actuellement là, qui a fait la une dans les journaux, ce serait d'envoyer des micro-chips très légères à des vitesses relativistes, c'est-à-dire des vitesses qui vont atteindre une portion notable de la vitesse de la lumière, en les inondant, en les arrosant d'un faisceau laser, parce que la lumière pousse, hein, donc le laser pousse. Un microchip, vous expliquez ce que c'est? Une puce électronique. D'en envoyer vers les étoiles voisines à des vitesses où ils atteindront, je ne sais pas, la moitié de la vitesse de lumière, ou le tiers, ou le quart, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Bon, faut savoir aussi, quand vous voyagez à la vitesse de la lumière, pour bien se comprendre, on envoie ces microchips dans l'espace et ensuite on les pousse avec un rayon laser. C'est ça, oui. Tiré depuis la Terre. Ouais. En espérant qu'il n'y a pas trop d'oiseaux sur le passage, parce que je pense qu'il doit y avoir une certaine puissance. Dans l'espace, ni d'avion. Pas trop. Non, mais s'ils sont au sol, ça va traverser l'atmosphère quand même. Les lasers, oui, c'est vrai. À moins qu'on les mette en orbite, mais... Ou alors sur la Lune, bon, vous voyez, on n'est donc pas encore tout à fait. Le laser depuis la Lune. On n'est pas encore tout à fait à installer des lasers de puissance sur la Lune. Dans un grand tube. Dans un siècle, peut-être, pourquoi pas. Donc il faut arriver à atteindre des vitesses relativistes. Alors il faut bien vous comprendre aussi que le temps de trajet pour l'individu qui est à bord raccourcit. Hein. On disait bien que s'il y a une étoile qui est à 4 années-lumière et que j'y vais avec la vitesse à la vitesse de la lumière. C'est la plus proche, 4 années-lumière, c'est la plus proche. Il faut 4 années à la lumière pour y aller. Mais vu de vous, l'observateur, si jamais on arrivait à vous accélérer à la vitesse de la lumière sans trop vous écraser dans un temps court, et que vous atteigniez presque la vitesse de la lumière, pour vous, vous seriez sur cette étoile en une semaine. Le temps à l'intérieur va être compacté. Donc quand on commence à parler de mission où on atteindrait un dixième ou le tiers de la vitesse de la lumière, le temps à l'intérieur du vaisseau est un petit peu différent. Alors, c'est une formule en 1 V2 sur C2, c'est-à-dire que si vous êtes à la moitié de la vitesse de la lumière, vous avez des effets qu'en un quart, quelque chose comme ça, de ralentissement. Mais bon, on est encore très loin de ce genre de choses. Et en fait, l'exploration actuelle pour les décennies à venir des planètes extrasolaires, elle a quand même des grands espoirs d'avancer, en ce sens qu'on espère bientôt pouvoir détecter les gaz qui sont dans l'atmosphère de ces planètes. Et vous savez par exemple que l'oxygène est un indicateur, un marqueur de vie. Il peut y avoir des cas où il y a de l'oxygène sans vie, mais tout l'oxygène qu'on a sur Terre, il vient de la vie. Donc l'oxygène plus quelques autres traces de gaz détectées dans une atmosphère extrasolaire suffirait à dire bah, il y a des forêts, il y a de la végétation, il y a quelque chose. Et ça on n'aura pas besoin d'y aller pour le voir. Ça, c'est à notre portée pour les instruments d'observation des 20 prochaines années. Alors si on veut y aller quand même, donc il faut quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'années avec nos vitesses actuelles, est-ce qu'il y a des gens évidemment qui ont réfléchi à la manière de le faire? Il faut y aller sur plusieurs générations, c'est un projet de civilisation, il faut imaginer que ce soit parce que les choses se passent vraiment mal sur Terre peut-être qu'il faudrait partir. Comment est-ce que vous imaginez que ça puisse s'organiser? Il faut créer une espèce d'énorme vaisseau spatial. Oui. Et puis il faut une énergie qui fonctionne pendant 30 000 ou... Ah non, oui, non, parce que... Ouais, enfin, bref, je vous laisse répondre. Je vais parler des étoiles et après je reviendrai à Mars et au système solaire. Là, il n'y a plus qu'à regarder les auteurs de science-fiction et puis à les examiner au regard d'un ingénieur. Donc, ce qu'ils vous disent, et effectivement, pourquoi pas, on fait un vaisseau géant, une étoile noire, comme on voit dans les films, là, mais pas destinée à la guerre, qui a tous ces systèmes de recyclage pour vivre en circuit fermé sur des générations et des générations. Vous l'envoyez à une vitesse qui n'est pas forcément extraordinaire. Et puis, effectivement, après une vingtaine de générations, les gens arrivent à proximité du étoile. Il faut freiner. Et il faut freiner. Donc, il faut avoir autant d'énergie disponible qu'on en a dépensé à l'aller pratiquement. Bon, alors on n'en est pas encore là. Nous, les Mars Society, en fait, ce que défend la Mars Society, c'est pas forcément d'aller sur Mars pour Mars. La Mars Society, c'est une association américaine. Américaine, ouais. Et l'association française appartient à Mars Society. Il y en a une en Angleterre, il y en a une en Belgique, il y en a une en Suisse, etc. Et votre association Planète Mars est associée à la Mars Society. Exactement. Ce que défend ces associations, c'est de dire, est-ce que démontrons que l'homme peut devenir une espèce multiplanétaire? Et pour le faire, Mars est un bon exercice parce que finalement, il y a de l'eau sous forme de glace, il y a du gaz carbonique, on peut tirer de l'oxygène, donc il y a des ressources. On peut faire la démarche inverse. Si l'homme n'arrive pas à vivre confortablement, entre guillemets, sur Mars, il n'arrivera pas à vivre ailleurs dans le système solaire. Donc c'est Mars en tant que banc d'essai d'une espèce multiplanétaire. Ça veut dire à ce moment-là que si on vit sur Mars, on peut aussi vivre sur la Lune. Et donc là, on retrouve, vous parliez dans si les choses vont mal sur Terre, on retrouve aussi une sorte d'objectif de préservation de l'humanité. Mais on n'est pas du tout dans l'optique, disons, enfuyons-nous sur Mars parce que la Terre devient invivable. Il faut conserver la Terre, c'est absolument, absolument nécessaire. Mais c'est cette perspective-là. De toute façon, la Terre sera difficilement moins vivable que Mars. C'est-à-dire Mars est extraordinairement invivable de toute absolument, façon. Absolument. Donc on a toujours intérêt à rester sur Terre. Et dans les objectifs des missions d'exploration, les premières missions, puis éventuellement de base scientifique qu'on pourrait faire ultérieurement, c'est justement d'en apprendre beaucoup sur les techniques, tout ce qui est recyclage. On est obligé de travailler, on vit dans des mondes, si on arrive à s'implanter sur Mars ou sur la Lune, des mondes où les ressources sont extrêmement rares. Il faut recycler, la ressource énergétique est rare. Et donc c'est en ce sens-là aussi qu'on dit qu'il y a des convergences avec des besoins qu'on a sur Terre. Le premier truc que l'on fait dans les missions spatiales, c'est de recycler l'eau. Nous, ici sur Terre, on gâche l'eau. Dans la Station Spatiale Internationale. La Station Spatiale Internationale. Tout le monde, actuellement, encore... Vous pouvez raconter comment on fait pour recycler l'eau sur la Station Spatiale Internationale? Ils vont jusqu'au recyclage d'urine. C'est principalement aussi le recyclage. Quand vous respirez, vous rejetez de la vapeur. Donc, dans les circuits de recyclage de l'air, on récolte de la vapeur. Enfin, c'est connu, quand on est tous dans une pièce... La vapeur qui est dans l'atmosphère, voilà. Quand on est tous dans une pièce, il y a de la condensation qui se met sur les vitres froides. Donc, c'est notre respiration. Donc là, c'est une source d'eau relativement pure. Elle est récupérée, cette eau, cette humidité atmosphérique, dans la Station Spatiale Internationale, est récupérée. Qu'est-ce qu'on en fait de cette eau? Et de l'eau potable. Ouais. Et l'urine aussi, également. Ouais. L'eau potable l'urine est transformée en eau potable. En eau potable. Oui. Il suffit de distiller complètement. Si vous faites de la vapeur, vous enlevez tout ce qui est polluant. Il me semble qu'on craque l'eau aussi pour récupérer l'oxygène et produire l'oxygène. Alors, pour produire l'oxygène, en fait, ils ont trouvé plus facile de monter de l'eau, ça stocke facilement, et de faire de l'électrolyse de l'eau, et c'est à partir de ça qu'ils font la majorité de leur oxygène respirable. Mmh. Et quand on sera sur la Lune où il y a un peu de glace du côté des pôles, quand on sera sur Mars où il y a de la glace presque partout, la glace sera certainement une source d'oxygène, et d'eau aussi, bien sûr, et le gaz carbonique est aussi une source d'oxygène. Mmh. Et ce que je voulais rappeler, c'est que nous, sur Terre, tous chez nous, autant qu'on est, on tire la chasse d'eau de nos toilettes avec de l'eau potable, ce qui est quand même un gâchis colossal. Et les premiers trucs qu'on fait dans les installations de simulation... Alors qu'on pourrait la tirer avec de l'eau issue de l'urine. Non, mais simplement de ce qui sort de votre lavabo ou de votre douche. Oui, bien sûr. Et les premières choses qu'on fait dans les installations de simulation sur Terre, parce qu'il y a des simulations qui se font sur Terre pour essayer de préparer l'exploration planétaire, c'est de recycler l'eau pour tirer la chasse d'eau des toilettes avec de l'eau grise, ce qu'on appelle de l'eau grise, et pas de l'eau pure. Donc vous voyez la convergence entre les besoins de l'exploration et certains besoins qu'on va avoir sur Terre aussi. Je crois qu'il faut qu'on arrête cette conversation parce qu'on est en train de donner des idées de chansons à Xavier, à mon avis. Vous aviez une question. Oui, moi je suis plutôt spécialiste de la planète Mars en tant que telle, mais il y a une question sur le plan du voyage qui me taraude, à savoir, par exemple, le déplacement va se faire en 6 mois, les astronautes qui seront installés sur une base, ils seront pendant 1 an et demi, et le voyage retour se fera en 6 mois, mais pendant les 1 an et demi, qui seront sur place, donc ils devront attendre que la Terre revienne en position favorable. Est-ce que s'il arrive un jour, j'espère que ça n'arrivera pas, je pense au film Seul sur Mars, mais bon là le scénario n'était pas très réaliste, je pense plutôt à un incident technique sur place, si les gens qui sont là-bas sont obligés de revenir en catastrophe, est-ce qu'ils peuvent revenir quand la position n'est pas absolument favorable, quitte à emprunter une orbite à rallonge plus coûteuse, ou est-ce qu'ils sont condamnés à rester 1 an et demi? C'est ça que je voulais savoir. Oui, on imagine que les premières missions devront rester dans le voisinage de Mars environ 500 jours avant que la Terre soit dans la bonne position. Il existe une autre solution qui s'appelle les scénarios d'opposition, et c'est le scénario qui est dans le film Seul sur Mars, en fait, où il reste seulement une trentaine de jours et on revient assez vite vers la Terre. Mais pour retrouver la Terre, il faut descendre très loin dans le système solaire, enfin très bas, pratiquement jusqu'à l'orbite de Vénus, et remonter, et faire 3/4 de tour. Donc on se retrouve avec des voyages retour qui sont plus longs que les 7-8 mois d'un voyage minimal. Mais c'est le scénario qu'il y a dans Seul sur Mars. Pour passer au niveau de Vénus, ça veut quand même dire que les radiations en cas d'éruption solaire, on est 1,5 fois plus près, c'est au carré, les radiations vont être 2 fois plus fortes. Donc sur le plan radiatif, c'est pas forcément très sympathique de descendre jusqu'au niveau de Vénus. Donc, en principe, il n'y a pas beaucoup de moyens de revenir s'il faut revenir. Et les scénarios reposent sur des scénarios de secours sur place, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas revenir au délai imparti, que vous soyez obligé de rester encore plus longtemps, il faut qu'il y ait des vivres sur place pour assez longtemps. Parce qu'il faut rappeler quand même que, évidemment, la Terre tourne autour du Soleil, Mars également, tous les deux pas à la même vitesse. Donc il y a des moments où Mars et la Terre sont relativement proches l'une de l'autre, et puis des moments où quand l'une est d'un côté de la Terre et l'autre de l'autre côté, pardon, du Soleil, et l'autre de l'autre côté du Soleil, là on a des distances faramineuses. On a 220 plus 150 millions de kilomètres. Oui, c'est ça. Donc 370 millions de kilomètres, donc là ça commence à faire beaucoup d'espace à franchir finalement. Donc on a, en fait, c'est tous les 2 ans qu'on peut revenir facilement sur Terre, enfin que des lancements de la Terre, enfin de la Terre vers Mars peuvent être réalisés. Il faut comprendre que quand on lance des sondes dans le système solaire, que ce soit vers Mars, vers Jupiter, la, nous, lanceurs, c'est pas nous qui donnons la plus grande vitesse. C'est la vitesse de la Terre. C'est-à-dire, la Terre, elle tourne autour du Soleil à 30 km par seconde. Et si vous donnez quelques kilomètres par seconde en plus, c'est ce qu'on fait quand on va vers Mars, il faut donner un peu plus si on va vers Jupiter, on va faire la moitié du tour du système solaire sur son élan avant d'atteindre votre objectif. On ne va pas en ligne droite dans l'espace. On ne peut pas aller en ligne droite si on ne pousse pas. Si on est sur notre élan, on décrit forcément des ellipses. Ouais. Voilà. Et donc la vitesse. Si on pousse pas, c'est-à-dire si on pousse pas énormément, au-delà de ce qu'on peut si faire pousser en permanence. Si on pouvait pousser en permanence, comme dans les livres de science-fiction avec des soucoupes volantes, on peut aller en ligne droite. C'est autre chose. Mais nous, lanceurs, comme l'a dit Jérôme, on a une mission qui dure 10 minutes, une heure maximum, et on donne de l'élan. La mission, c'est la fusée. Le premier élan qu'on donne, c'est d'arriver à sortir du champ d'attraction terrestre. Pour sortir du champ d'attraction terrestre, il faut 11 km par seconde. Comme c'est des histoires de carrés, si vous donnez 11,5 km par seconde, vous allez sortir du champ d'attraction terrestre avec 3 ou 4 km par seconde. Hein ? Et c'est avec ces 3 km par seconde qui vont s'ajouter à la vitesse de la Terre, qui fait 30. Donc nous, lanceurs, finalement, on va avoir donné un petit 10% en plus de la Terre. Mais c'est vraiment la Terre qui a fait le boulot principal, la vitesse de la Terre qui a fait le boulot principal pour vous lancer vers Mars ou pour vous lancer vers Jupiter. Donc comme on parle de Mars et de propulsion, et monsieur, vous disiez tout à l'heure, enfin vous pensiez à l'assemblage en orbite, je ne sais pas si vous pensez plus à des scénarios type Mars direct ou Mars semi-direct, je voulais savoir s'il y a un consensus aujourd'hui pour aller sur Mars, quel type de scénario envisager, plutôt assemblage en orbite ou pas? Bon, il y a forcément de toute façon assemblage en orbite, même le scénario Mars direct, alors c'est un scénario qui avait été étudié par Robert Zubrin, le fondateur de la Mars Society, quand il était ingénieur chez Lockheed Martin. Bon, c'est un scénario minimal, si on peut dire, et il prévoyait quand même 3 lancements de la fusée lourde, en fait 2 lancements plus un de secours. Le troisième servait qu'à redonder un des lancements, donc ça faisait 3. La NASA a réétudié... Alors attendez, on envoie donc 2 énormes fusées en orbite, et qu'est-ce qui se passe là? Alors le scénario Mars direct, qui est assez simple, je vais vous le détailler, consiste à faire un premier lancement avec le module qui va se poser sur Mars et qui vous permettra de repartir. Il se pose sur Mars avec un petit peu de carburant parce qu'il fait comme Curiosity, il freine avec des parachutes et juste à la fin, il freine avec des fusées. Et il amène 6 tonnes d'hydrogène sur Mars, de la Terre. Et avec ces 6 tonnes, il les fait réagir avec le gaz carbonique de l'atmosphère martienne pour faire du méthane et de l'oxygène. C'est une réaction de Sabatier qui est assez vieille réaction, qui n'a rien d'extraordinaire. Et donc, avec ces 6 tonnes d'hydrogène, on fait 116 tonnes d'oxygène et méthane. Avec le coefficient multiplicateur colossal, on est arrivé avec 6, on se retrouve avec 116 tonnes de carburant. Donc ce vaisseau de retour, il fait ainsi le plein tout seul sur Mars, en 6 mois à peu près. Et comme on a dit qu'on pouvait lancer vers Mars que tous les 2 ans, donc on a le temps de voir que tout se passe bien, que le vaisseau se remplit, et au bout de 2 ans, on envoie les hommes. Ah, une fois que le vaisseau s'est posé, qu'il est rempli de carburant, qu'on sait que tout marche bien, et qu'on devrait pouvoir revenir sur Terre, on envoie les hommes. Absolument, on envoie les hommes avec un habitacle, et ils vont rester 500 jours, ils se posent donc à côté. C'est le deuxième lancement. C'est le deuxième lancement. D'accord. Ils se posent à côté, alors à côté, ça peut vouloir dire 5, 10 km, 20 km, enfin un truc que Curiosity s'est posé à quelques kilomètres, donc maintenant on va bientôt savoir se poser très près. Il ne faut pas se poser à 100 mètres quand même, parce qu'on éjecte des cailloux quand on se pose, mais enfin bon, on saura se poser à quelques kilomètres. Et ils vont vers après leur mission de 500 jours, ils vont vers ce vaisseau et ils repartent. Mais il y a un troisième lancement, comme je l'ai mentionné, c'est-à-dire que si, pendant leur voyage, pendant qu'ils sont sur place, le vaisseau qui était plein de carburant, prêt à repartir, se vide, il serait un petit peu embêté. Par accident, oui. Par accident, une fuite, etc. Donc en fait, le scénario prévoyait qu'en même temps que les hommes, partait aussi quelque chose d'identique à la première mission, c'est-à-dire un vaisseau de retour qui se pose sur Mars avec 6 tonnes et qui pendant les 6 mois va faire son carburant de retour. Comme on reste 500 jours sur Mars, là aussi les 6 mois, ça va se passer pendant que les hommes sont sur Mars. Donc ils ont 2 moyens de retour au cas où. Donc ça c'était le scénario Mars direct. Et s'ils ne se servent pas du deuxième vaisseau, puisqu'ils se sont servis du premier, bah celui-là sert au suivant, et ainsi de suite, qui eux aussi vont arriver avec un vaisseau de secours. C'était ça le scénario Mars direct. Alors la NASA a compliqué après le scénario, en ce sens qu'ils voulaient, dans le scénario Mars direct, ils ont assez de carburant pour repartir vers la Terre directement. Dans les scénarios NASA, ils ont dit on va remonter en orbite autour de Mars, rejoindre un vaisseau qui nous attend, qui lui a son carburant et qui va repartir. Donc ça compliquait... Une étape en plus. Donc ils étaient arrivés à des scénarios où ils avaient 7 lancements de fusées lourdes à cause de ça. Puis ils avaient aussi utilisé de réacteurs nucléaires. Enfin bon, ils avaient un peu compliqué le scénario. Il faut savoir que dans les scénarios martiens, entre guillemets, vous pouvez facilement faire un scénario où tout se passe bien. Mais à chaque fois, il va falloir vous poser la question, mais si là je tombe en panne, qu'est-ce que je fais? Si là je tombe en panne, qu'est-ce que je fais? Et c'est ça qui va considérablement compliquer votre scénario. Et vous auriez peut-être pu faire la mission avec deux lancements, puis quand vous commencez à vous dire, si jamais je tombe en panne à tel moment, qu'est-ce que je fais? Vous vous retrouvez avec sept lancements. Mais il n'y a pas encore de scénario autorisé complet pour la mission martienne. Les Américains pensent beaucoup à utiliser une infrastructure en orbite autour de la Lune, qui servirait à une espèce d'orbite de parking, qui servirait et pour assembler pour partir, et qui verrait se repositionner. Assembler quoi? Assembler un véhicule pour les hommes et un véhicule de retour également. Et donc on aurait plusieurs lancements pour assembler un véhicule de retour, un véhicule transportant les hommes, etc. Voilà. Et cet assemblage se ferait en orbite lunaire plutôt qu'en orbite terrestre. C'est ce qui présente actuellement une orbite assez loin de la Lune, parce qu'elle est à 70 000 km, et qui leur servirait d'orbite de parking, et où ils reviendraient positionner l'habitat de voyage, alors que les hommes rentreraient directement vers la Terre. Parce qu'en fait, ils lanceraient leur lanceur lourd tous les 6 mois, par exemple, pendant quelques années, pour assembler ce vaisseau, et la fenêtre de lancement vers Mars, c'est 2 mois tous les 2 ans. Donc on ne peut pas en 2 mois se mettre à lancer 6 lanceurs lourds. Donc elle leur servirait de hall d'assemblage. Hall d'assemblage, d'accord. Ça laisse Jérôme Villa sans voix. Non, mais il en parle très bien, beaucoup mieux, donc je bois ses paroles. Mais c'est vrai que cette architecture avec l'orbite cislunaire comme point d'étape est très intéressante, parce qu'on se rend compte finalement qu'avec l'orbite qu'ils ont choisie autour de la Lune, il faut peu d'énergie à la fois pour aller sur Mars, pour revenir. C'est un point intermédiaire qui est intéressant. La Lune est pratique, pourquoi? Parce qu'il faut peu d'énergie pour en partir, c'est ça? Non, l'orbite qu'ils ont choisie autour de la Lune. Autour de la Lune, pardon. Cette orbite cislunaire qu'ils ont choisie autour de la Lune, et sur laquelle ils projettent maintenant de faire une sorte de mini-station, qui est une fois qu'on aura terminé avec la station qui est aujourd'hui tourne au-dessus de notre tête en orbite basse. Le projet suivant de la NASA, c'est de faire une mini-station autour de la Lune, qui soit ce point d'étape que décrivait Alain pour aller vers Mars, enfin ce point d'étape qui est indispensable finalement dans leurs architectures de voyage. Bon, alors puisqu'on en est à parler de Mars, vous vouliez continuer, monsieur? Je vous en prie, il n'y a pas de problème. Donc là, vous décrivez bien le scénario actuel de la NASA et pas le rapport des 90 jours, c'est bien ça? Ok. Et c'est bien le scénario de la NASA et non pas de SpaceX qui pourrait être complètement différent. Enfin, moi, ce que je vais vous décrire, c'est le scénario sur lequel on travaille entre agences. C'est sur la feuille de route internationale. Donc c'est la NASA qui construit ce scénario-là. C'est avec l'ICESG, c'est ça? Bravo. Bravo. ISECG. Ou le contraire. ICESG ou ISECG. Donc voilà, il faut savoir quand même qu'il y a une structure dans laquelle les agences se rencontrent pour discuter de ce scénario d'envoi d'hommes sur la planète Mars. Hein. Ça existe. Il y a des discussions en cours. Je l'ai, puisque vous posiez la question du scénario spécifique. Donc, c'est celui qui va afficher au prochain congrès d'astronautique au Mexique, hein, au mois d'octobre. Il a dit un certain nombre de choses dans la presse. Et mon collègue Richard Edman de l'association, qui est le fondateur de l'association, a fait un certain nombre d'études. D'ailleurs, l'image du lanceur très lourd provient d'une étude de sa part, que vous pouvez trouver sur notre site internet, d'ailleurs, planète-mars.com. Et au début, il disait, je vais déposer 100 tonnes sur Mars en un seul lancement. 100 tonnes, 100 fois Curiosity. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 tonnes Beaucoup de choses. Alors là, le jour où on peut poser 100 tonnes sur Mars, on est sauvé, on est tranquille. Et dans les dernières informations qu'il a laissées transparaître, il parle de deux lancements pour faire cette mission. Donc, du coup, ça simplifierait le lanceur. On sait que sur ce lanceur, il veut mettre un moteur qui s'appelle le Raptor, qui est à oxygène méthane, qui est extrêmement volatile dans sa définition. Il y a deux ans, c'était un moteur de 600 tonnes de poussée. Ouais. Et récemment, il y a eu un contrat de signé pour en faire un moteur de deuxième étage qui laisse supposer qu'il ferait 60 tonnes. Donc, c'est pas la même chose. Et il est passé par 240 tonnes en intermédiaire. D'accord. Et alors, sur une fusée qui est plus grosse que le lanceur lourd américain, Si vous commencez à mettre des moteurs de 600 tonnes, il en fallait déjà pas mal. Si vous commencez à faire ça avec des moteurs de 240 tonnes, il vous en faut, je crois que sur une mission à deux lancements, on est arrivé à 31 moteurs. Je crois. 31 moteurs de 250 tonnes. En tout, sur l'ensemble du lanceur? Non, juste au premier décollage, juste au premier étage. Juste au premier étage. Ah oui, ça fait beaucoup. Là. Ce qui est monstrueux, la fusée lunaire russe, elle en avait 30. Mais ceci dit, s'il fait le Falcon Heavy dont on a parlé et qui doit voler dans moins d'un an, trois corps centraux à 9 moteurs chacun, ce sera une fusée à 27 moteurs au décollage. Ah bah voilà. Donc s'il fait voler le Falcon Heavy et qu'il n'a pas trop de problèmes, il aura maîtrisé le fonctionnement de fusées qui ont une trentaine de moteurs. Mais c'est pas mal d'avoir beaucoup de moteurs, parce que s'il y a un des moteurs qui tombe en panne, ça se remarque à peine, non ? Absolument, il appelait ça le fail operational, c'est-à-dire si on est en panne, on est quand même opérationnel. Donc dans ce sens-là, c'est bien, mais nos moteurs fusées, ils ont plusieurs types de défaillances. Ils ont des défaillances tranquilles, entre guillemets, on l'arrête, et puis ils ont des défaillances où un incendie, une explosion, etc. Donc si c'est une défaillance grave, il va répercuter sa défaillance sur les autres moteurs. SpaceX a bien pris en compte ce risque d'ailleurs sur le Falcon 9, puisque les moteurs sont cloisonnés avec des protections en Kevlar, autant que je sache. Donc il a prévu le cas où il pourrait y avoir une explosion de partie tournante et éviter que ça ne vienne abîmer un autre moteur. Une turbopompe dont une aube part, comme ça peut arriver quelquefois dans les aubes des avions, ils étudient le départ d'une aube de moteur. Donc, il a essayé de se prémunir contre ces accidents catastrophiques. C'est la règle du jeu, c'est ce qu'il faut faire quand on commence à avoir des fusées à 30 moteurs. Deux petites choses. En ce moment, on peut voir Mars très facilement. Elle est très observable, elle est assez lumineuse. Une autre chose, j'aimerais savoir, il y avait eu un projet un peu poétique de faire des voiles solaires, de faire une course de voiles solaires. Je voulais savoir si ça était tombé à l'eau, entre guillemets, si on peut dire, ou s'il y avait, parce que je trouve ça intéressant comme... Alors on me souffle à droite que c'est le CNES, quelqu'un du CNES était acteur. Pour la course, je ne sais pas. En tout cas, je peux vous dire que nous, au titre des projets avancés, donc des choses qu'on regarde un peu futuristes, on a évalué encore l'année dernière un projet de voile solaire. Alors il y a la voile solaire classique où c'est les photons qui frappent une voile. Donc alors typiquement, une voile solaire, c'est à quelle dimension? Est-ce que vous en avez une idée? Je ne sais pas vous dire. Non, mais c'est gigantesque. Oui, certainement. Ça pousse très peu. Il faut qu'elle soit extrêmement grande. L'idée, c'est que ce sont les photons du soleil, donc la lumière du soleil elle-même, qui va exercer une pression qu'on appelle de radiation, la version basique. Puis ensuite, vous avez les voiles solaires magnétiques qui, en plus de cette force-là, qui capturent plutôt des particules à haute énergie qui viennent du soleil et qu'on manipule avec un champ magnétique de telle manière à ce que le vecteur vitesse les amène dans une direction souhaitée. Là, c'est un petit peu plus efficace. Donc l'année dernière, on a étudié un petit peu les voiles solaires magnétiques. Donc ça existe déjà. Il y en a eu qui ont été lancés, des voiles solaires. Une classique, oui. Magnétique, je ne crois pas. Pas ma connaissance. Mais c'est expérimental, évidemment. La poussée est extrêmement faible, là aussi. Oui, la poussée est extrêmement faible. Donc on est toujours dans ces avancées ou ces idées de propulsion, de révolution dans la propulsion, mais qui ne concernent que la phase du voyage où vous êtes déjà dans l'espace. De mémoire, c'est 1 mg par mètre carré. Enfin, il faut calculer. Ah oui, c'est 1 mg par mètre carré. Si le photon est renvoyé. La quantité de mouvement d'un photon, c'est h nu sur c. Donc il faut beaucoup de mètres carrés là. 2 h nu sur c, vous pouvez calculer. Après. 2 h nu sur c. Il faut que la toile ne pèse que 2 mg. Et il faut que. Ah ben sauf quand t'es dans l'orbite, elle peut. On n'a pas entendu. Il faut que la toile pèse moins d'1 mg au mètre carré, c'est ça? Non, pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. Bon. Alors, on est suivi sur Twitter et sur Twitter, on a envie d'intervenir dans le débat. Oui, plusieurs questions sur Twitter. Je vais faire un petit tir groupé, donc on va un peu redescendre sur Terre. Il y avait déjà plusieurs questions donc sur les lanceurs réutilisables en Europe, vu qu'on en a peu parlé pour l'instant. Donc des questions soit sur le premier étage, donc on a parlé de Prometheus il y a quelques mois par exemple, est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça? Et d'autre côté, est-ce qu'il y a des suites dans le futur après Hermès? Et puis, une autre question aussi sur les micro-lanceurs en Europe. Qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui est prévu dans les années à venir? Alors, les lanceurs réutilisables d'abord. Peut-être qu'on peut aller se promener dans notre petit livret et aller... Alors, à quelle page? Vous allez me dire ça. Voilà, c'est là. C'est page 10. Les pages 10. Alors, je peux vous en dire quelques mots, oui. D'abord, il n'y a rien de plus... de moins neuf dans l'histoire du spatial que les fusées réutilisables. Je crois même que les concepts de fusées réutilisables ont précédé les concepts de fusées consommables quand on regarde ce qui s'est passé au début du XXe siècle. Donc c'est une idée qui a été explorée très tôt par les ingénieurs et qui n'a pas sans déboucher. Il y a des vraies raisons à ça, des raisons techniques, des raisons économiques. On a eu une belle fusée, enfin, les Américains ont eu une belle fusée réutilisable qui était le Space Shuttle, enfin, qui était une partie de la fusée était réutilisable. Donc la navette américaine. La navette américaine, et qui malgré sa formidable réussite technique et puis le côté inspirant, économiquement, était absolument inefficace. Donc c'est ce qui les a conduits à l'arrêter avec les problèmes de sécurité aussi qui étaient associés. C'est-à-dire que tout le travail qu'il fallait mettre en œuvre pour lui permettre de repartir dans l'espace coûtait des sommes faramineuses. Oui, voilà. Ouais. Il y a une très belle image sur Wikipédia là, qui compare le plan de maintenance de la navette tel qu'il était vendu dans le dossier de programme, donc par les gens qui essayaient de montrer, oui, vous allez voir, ça va être une révolution. Donc vous voyez une navette dans son hangar, c'est beau, c'est lisse, il y a un lino qui est brillant, et il y a trois ingénieurs qui marchent et qui boivent un café. Et tel que c'était réellement dans les opérations de remise en route de la navette, et là, vous avez des échafaudages partout qui couvrent complètement, vous ne voyez plus la navette, tout simplement, hein, qui couvrent complètement la navette, et vous aviez de facto 9000 ingénieurs qui étaient payés à temps plein pour sur le programme de remise en vol de la navette pour vérifier que tout était enfin pour vérifier pour remplacer des pièces. Et donc ça montre aussi que ce que je veux dire, c'est que c'est pas une idée neuve, et il y a une difficulté technique et une difficulté économique associée. Donc il faut la réutilisation, on le fait pas pour le plaisir de réutiliser, on le fait parce qu'on pense que ça va permettre en ramenant une partie du matériel de faire des lancements moins chers, et pour ça il faut prendre ce sujet là sous l'angle économique. Alors cette introduction, c'est pour vous dire que quand on reprend ce sujet-là de manière réaliste et sous un angle économique, on pense, c'est la conviction du CNES, que ce qui peut déboucher, dans un premier temps, c'est la réutilisation des premiers étages. Pourquoi ? Parce que les premiers étages, c'est des objets, si on les conçoit bien, si on conçoit bien l'étagement, ils ne vont pas très vite, finalement. Quand on sépare du deuxième étage, ils ont accéléré, mais ils ne vont pas à Mach 20, Mach 30. Alors, si on limite, on peut aller jusqu'à Mach 6, Mach 7. Donc, c'est des objets qu'on peut raisonnablement ramener à Terre sans avoir à affronter un échauffement redoutable, qui est l'échauffement de l'atmosphère ou une rentrée atmosphérique. Donc, on peut ramener moyennant des protections qui sont raisonnables. Donc, notre travail, c'est sur la réutilisation du premier étage. C'est ce qu'on voit aussi chez SpaceX sur le Falcon 9 ou chez Blue Origin. Enfin, Blue Origin, pour l'instant, c'est suborbital. Mais enfin, tous les autres projets qui sont relativement réalistes, là, aujourd'hui, dans les cartons, sont des projets de retour du premier étage. Donc, ce que je voulais dire aussi, parce qu'on a souvent la question, donc j'imagine qu'elle trotte dans vos têtes, c'est pourquoi on n'a pas fait Ariane 6 comme étant une fusée réutilisable d'emblée. Quand on analyse soigneusement l'équation économique de la réutilisation des premiers étages, on se rend compte que si tout réussit, si on arrive à maîtriser un petit peu les difficultés techniques et puis qu'on fait ça correctement, le gain qu'on va amener sur le coût de lancement, ce n'est pas un gain de 90% ou de 95% comme on l'entend parfois. C'est un gain qui est limité à 30-40%. Et c'est d'ailleurs ce que SpaceX vient d'annoncer il y a quelques semaines sur un peu le coût auquel il pourrait vendre un lancement avec un étage réutilisé. Veut dire qu'un lanceur, quand je le lance, me coûterait 100, par exemple, voilà. Mais je récupérerais 30 ou 40 parce qu'il se reposerait et que je pourrais le refaire partir ensuite. C'est ça. Et donc le message, c'est que vous ne récupérez pas 90, vous récupérez 30 ou 40. Voilà. Dans la situation... Ce qui est pas mal, quand même. C'est pas mal, c'est bien. Mais nous avions la possibilité, dans la situation où nous étions, nous, Européens, avec Ariane 5, de gagner 40% ou 50% beaucoup plus facilement en passant à Ariane 6. On avait déjà cette possibilité de passer de quelque chose, d'un produit qui est Ariane 5, qui est un produit qui relève un petit peu de l'artisanat, je reprends le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, pour en faire un produit bien industrialisé avec une industrie organisée derrière qui fasse en sorte que la production soit beaucoup plus efficace économiquement. Et ressemble à des usines automobiles. Il y a des consultants automobiles qui travaillent avec nous. Donc en faisant ce step-là sans prendre le risque technologique de la réutilisation, dans notre situation, on gagnait déjà 40 ou 50%. Donc il fallait d'abord faire ce step-là avant d'envisager la réutilisation qui est plus risquée techniquement pour gagner encore 30 ou 40% derrière. Donc on fait dans l'ordre, en fait. Dans notre ordre à nous, ce n'est pas l'ordre d'Elon Musk parce que lui, il a son propre agenda, il avait sa propre stratégie, mais ça correspond à notre situation et à ce qu'on pouvait faire. Il faut aussi voir qu'on parlait d'un gain de 30% sur le prix de lancement. on va utiliser un étage, mais que le fait de ramener l'étage avec du carburant qu'on consomme pour se poser en douceur fait baisser aussi la performance de 30%. Alors ça dépend de l'orbite, hein, ça peut être 15% seulement, ça peut aller jusqu'à 30. L'étage qui va revenir sur Terre, il est plus lourd, donc je consomme plus d'énergie. Bah il a surtout consommé du carburant à se poser en douceur. Voilà, il y a du carburant qui aurait pu servir à lancer un satellite plus lourd. C'est ça. Donc il perd de la performance. Donc si votre lanceur n'a que 70% de performance, le satellite le satellite que vous allez mettre dessus, c'est aussi un satellite plus petit qui va vous payer que 70%. Par contre, ça peut avoir de l'intérêt parce que si vous n'arrivez pas à remplir votre fusée, parce qu'on n'arrive pas toujours à mettre les satellites qui vont remplir totalement la fusée, si votre fusée est remplie qu'à 70%, c'est très bien, vous la récupérez et ça vous coûte 70%. Vous n'avez pas perdu d'argent. Donc il y a toute une. Si je remplis à 100%, là pour le coup, je vais peut-être pas prendre réutilisable. Alors c'est ce que pourra aussi faire SpaceX parce qu'il sera pas forcé de récupérer à chaque fois, donc il pourra aussi moduler son offre. Ma voisine du bas est une beauté hors du commun. Et malheur à moi, un beau soir, elle m'a invité. J'ai descendu 15 étages comme s'il n'y en avait qu'un. Telle une vraie déesse sortie des eaux, elle m'attendait. Je me suis brûlé les yeux devant cette beauté lyrique. J'aurais dû écouter Alain Souchier un petit peu plus. Sur le plan radioactif, ça n'est jamais très sympathique de descendre au niveau de Vénus. Et puis il fait chaud en plus sur Vénus, hein, un petit 500 degrés, 600 degrés, quelque chose comme ça. 400. 400, ouais. Jérôme Villa, vous vouliez... Non, je peux rajouter des choses, enfin ça dépend s'il y a des questions dans la salle, sinon je peux rajouter des choses sur la réutilisation. Il y a une question. Alors réutilisation, est-ce qu'on peut quand même commenter les images là qu'on a? En bas à gauche, on a la Falcon de SpaceX. Donc ça y est, là on a fait de la réutilisation, là il prétend que... On a fait la récupération. La récupération, c'est vrai, vous avez raison. On a récupéré, mais on n'a pas revolé, effectivement. Donc c'est ça le défi, c'est-à-dire que techniquement il montre qu'on peut se poser, mais il n'a pas montré d'abord qu'il est capable techniquement de reprendre cet étage pour le faire voler, et puis aussi à quelles conditions économiques. Oui c'est ça, mais c'est quand même déjà une réussite formidable. Ah bah oui. Et la même chose avec le New Shepard de Blue Origin, là. Alors, New Shepard a revolé déjà. Qui, pour le coup, a vraiment revolé. Alors, tout à l'heure, on se demandait si c'était deux ou trois fois, donc on ne sait plus très bien, mais enfin, il a revolé. Sauf que lui, il va que à 100 km, donc il ne va pas en orbite. 100 km d'altitude. C'est ça. Donc, le New Shepard, qui lui a fait le cycle complet, bon, il faut relativiser cet exploit par le fait que ce n'est pas un lanceur orbital. Il n'a pas l'énergie nécessaire pour aller en orbite. Et ça fait une sacrée différence. Le Falcon, qui est un lanceur orbital, bah, il est optimisé comme un lanceur avec des parois très fines, avec un devis de masse travaillé au kilo près. Et c'est un objet très fragile. Donc, le ramener intact, enfin ou intact ou suffisamment pour arriver à se poser, c'est un exploit. Le New Shepard, c'est moins vrai. Quand vous regardez le devis de masse du New Shepard, c'est comme c'est un véhicule qui doit fournir moins d'énergie. Voilà, il va jusqu'à Mach 3, c'est un peu plus quand même peut-être. Bon, enfin, en tout cas, il va moins vite et puis il pèse beaucoup plus lourd qu'un vrai étage de fusée. On ne pourrait pas en faire une vraie fusée qui va en orbite. Et le projet Adeline là pour Ariane en haut à gauche, qu'est-ce que c'est? Alors le projet Adeline d'Airbus, il y a un projet qui ressemble, sans être tout à fait équivalent, qui ressemble un petit peu chez Boeing et Lockheed Martin, qui ont une société commune qui s'appelle ULA, ça consiste à faire revenir uniquement les moteurs du premier étage. Donc j'expliquais tout à l'heure pourquoi le premier étage c'est plus facile à ramener. On peut encore descendre d'un cran, ramener les moteurs du premier étage. C'est un peu plus facile parce qu'il y a moins de volume à ramener. Vous n'avez pas le volume de tous ces étages qui sont particulièrement en hydrogène, qui sont des étages très volumineux. Donc ça devient une carlingue d'avion à ramener. Parce qu'un moteur de premier étage, c'est des moteurs et des réservoirs. Et des grands réservoirs. Des immenses réservoirs. Là, on laisse les réservoirs dans l'espace, mais en revanche, on fait retomber les moteurs. Et ça part du principe que dans le devis économique d'un étage, le moteur coûte assez cher. Donc on ramène la partie qui est coûteuse et qui est celle donc qui va rapporter quand on va la réutiliser. Et on se pose sur Terre comme un avion alors, il y a des petites ailes. Alors dans le concept Adeline, oui, voilà, c'est un retour plané avec ce qu'on s'est fait bien faire en Europe, donc des ailes, des avions, des aéronefs, Airbus, Dassault, etc. Donc on a toutes sortes d'expertises. Dans le concept du LA, c'est encore plus rock'n'roll. Alors ils déploient. LA, c'est les Américains. Les Américains, voilà, ils déploient un bouclier thermique gonflable. Et ensuite, donc imaginez, il y a déjà un bouclier, puis il y a un parachute qui s'ouvre, qui ralentit un petit peu, et ensuite il y a un hélicoptère qui vient harponner le parachute pour récupérer le moteur. Avant qu'il touche le sol, ou enfin qu'il touche la surface terrestre. D'accord, l'eau salée, oui, parce que ça, les moteurs n'aiment pas tomber dans l'eau salée. Donc ça permet de se passer de la problématique de comment je me pose au sol. Oui, c'est ça. Ouais. Après, il faut avoir des pilotes d'hélicoptères. Ouais, il faut avoir de bons pilotes d'hélicoptères. Sacré courage. Qui n'ont pas froid aux yeux. Cela dit, ça se faisait à une certaine époque pour récupérer les images qui étaient prises, les images satellites qui étaient prises par les Américains de la Russie, en passant au-dessus. Le satellite larguait une petite capsule avec les films. Et qu'il fallait récupérer, qu'un hélicoptère allait récupérer en vol. Oui, ça part de cet héritage-là, oui. Ouais. En effet. Donc ça se faisait, quoi. Après, il y a plein de choses qu'on faisait par le passé qu'on ne fait plus. Mais... D'accord. Il y a une question tout là-bas au fond. Oui, bonsoir. C'était plutôt une intervention plutôt qu'une question, parce qu'en ayant travaillé pendant un an et demi aux États-Unis, du coup, sur une start-up privée dans le spatial, il y a un rapport qui circule comme quoi la plupart des fournisseurs de satellites mondiaux ne sont pas encore prêts physiquement à utiliser des fusées qui ont déjà servi du fait de la fiabilité encore approuvée sur ces fusées. Je voulais savoir si le CNES en avait entendu parler ou pas. Alors oui, on en a entendu parler, et puis on en discute avec les intéressés, je dirais. On en discute avec les opérateurs de satellites et également avec les assureurs. Donc on a vu les assureurs il n'y a pas très longtemps. Je serais moins catégorique que vous. Je pense qu'il y a une frilosité, parce que ce sont des gens qui engagent certaines sommes dans leurs satellites, donc ils ne vont pas prendre des risques inconsidérés. En même temps, certains sont prêts à... investir dans un mouvement qui leur permettrait de casser un peu le coût d'accès à l'espace. Le coût d'un lancement dans le budget d'un satellite, d'un satellite de télécommunication, c'est à peu près un tiers. Donc c'est intéressant quand même de jouer sur ce tiers de leur capital d'investissement pour rentabiliser un peu plus leur affaire. Ça, je vous parle de gros satellites. Hein. Quand on parle de petits satellites, alors là, ça devient catastrophique. Le coût de lancement, ça peut être 80%, plus de 50% du coût d'investissement total. Alors, et un commentaire aussi sur les gens qui sont prêts à lancer sur un étage, avec un étage récupéré. Donc, je ne donnerai pas de nom, mais quelquefois, les opérateurs de satellites, par exemple, ils vont commander 10 satellites en se disant, il y en a un qui va tomber à l'eau. Et puis, coup de chance, il n'y en a aucun qui tombe à l'eau. Donc, quand ils ont lancé le 9e, le 10 est en rab. Et donc, sur le 10e, ils peuvent peut-être prendre un peu plus de risques. Et justement, comme le disait Jérôme, confier ce 10e à un lanceur récupéré. Ouais, donc, en creux, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les gens qui sont prêts à courir ce risque-là, c'est les gens qui ont des flottes de satellites régulières et qui les renouvellent et qui donc gèrent déjà un certain nombre de jets dans l'espace. C'est certainement pas un pays qui va mettre son premier satellite, sa fierté nationale. Bon, il ne va pas prendre ce risque-là, je pense. Alors, puisqu'on a parlé de différents projets plus ou moins sérieux, et notamment à propos de nucléaire, il me revient à l'idée un projet dont j'avais entendu parler quand j'étais au lycée, je crois, qui s'appelait, me semble-t-il, Orion, et qui consistait à... Parce que je suppose que beaucoup de gens n'ont pas entendu parler, heureusement pour eux, à se propulser en ayant une fusée munie d'un solide bouclier anti-radiation en dessous et à balancer en dessous des bombes atomiques pour vous projeter en l'air jusqu'à... l'infini et au-delà. Alors je me demandais, est-ce qu'il y a encore quelques farceurs qui ont ressorti ce projet-là, ou est-ce qu'il est considéré comme définitivement abandonné ? Moi, j'ai rien vu de sorti à nouveau, c'est sûr. Ils n'ont jamais, bien sûr, fait d'explosion nucléaire derrière un bouclier. Par contre, s'il y a quelques années, vous alliez au musée de l'air et de l'espace de Washington, vous pouviez voir une sorte de véhicule avec un bouclier d'environ 1,50 m de diamètre, et il y a un trou au milieu, et il larguait des charges de TNT pour représenter la bombe atomique. Il larguait des charges de TNT derrière, et ce truc, ils l'ont fait voler sur un vol suborbital. Le nouveau musée qui est maintenant à Dulles, là, je n'ai pas vu. Donc, je ne sais pas si ce véhicule est encore exposé, mais vous trouvez sûrement sur Internet des photos de cette mission de démonstration de ce véhicule Orion. À ma connaissance, ça n'est pas ressorti des cartons. Alors, on ne va pas se quitter sans parler un petit peu d'Ariane 6 quand même, parce que c'est pas vers l'infini, mais c'est presque au-delà. Non, j'exagère, mais en tout cas, c'est pour dans quelques années. Ariane 6, c'est surtout un lanceur qui a été conçu pour pour qu'on puisse continuer à proposer des lancements bon marché et continuer à pouvoir se financer sur le marché commercial des satellites. Jérôme Villa. Oui, j'en touchais quelques mots tout à l'heure. Ariane 6, c'est dans la situation où nous, Européens, étions, c'est le bon équilibre entre la prise de risque et quelque chose qu'on sait faire rapidement et qui amène une économie considérable, qui est finalement plus que ce qu'on pourrait proposer en amenant de la réutilisation tout de suite. Donc cette économie, comme on l'a expliqué tout à l'heure, elle vient de la manière dont on conçoit la production de la fusée, mais elle vient aussi du fait qu'on réutilise des technologies, voire même des moteurs, qui ont été éprouvés sur Ariane 5, donc sur lesquels on peut capitaliser toute la connaissance expérimentale qu'on a eue, enfin la connaissance opérationnelle qu'on en a eue sur Ariane 5, et qui fait qu'on en tire le meilleur de ce qu'on connaît de ces produits-là. Donc tout ça combiné avec aussi une réorganisation industrielle du tissu industriel européen qui va vers plus d'efficacité également, nous permet de prolonger un petit peu l'aventure Ariane avec quelque chose qui est économiquement beaucoup plus efficace. Alors, on a une planche, là, c'est la planche numéro 6 qui s'appelle Ariane Next. De quoi s'agit-il au juste ? Là, c'est une planche CNES, enfin, c'est vous qui la portez. Oui, c'est une épreuve d'artiste, hein, donc c'est pas des projets. Mais enfin, vous pouvez imaginer qu'on raisonne sur... Les fusées, on met beaucoup de temps à développer des nouveaux modèles de fusées, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années pour certains. Donc, on mène des réflexions très en amont, et puis... J'évoquais au départ le fait qu'on est dans un monde qui est très mouvant, où il y a beaucoup de bouleversements en cours du côté des satellites, du côté des fusées. Et donc on fourbit nos armes un petit peu pour être préparés aux défis qui pourraient être les nôtres dans la prochaine décennie, à la compétition, aux changements radicaux qui pourraient s'opérer au-delà d'Ariane 6. Et donc on a réuni ces initiatives-là sous le vocable Ariane Next. Et vous voyez que, au travers du dessin qu'a fait joliment l'artiste qu'on a sollicité, que sur ArianeX, on étudie l'introduction de la réutilisation sur la famille Ariane. Avec, on a été suffisamment flou pour pas dévoiler de secret. Donc, il y a tous les modes sont représentés, à la fois des retours verticaux, des retours horizontaux. Attendez, parce que qu'est-ce qu'on voit là ? On voit un lanceur, et ce qui ressemble à un avion qui va se poser au sol, c'est le premier étage ? Oui, la seule chose qu'on dévoile, c'est qu'on travaille sur la réutilisation du premier étage. D'accord. Donc, sous-entendu, on ne croit pas à une échéance raisonnable à la réutilisation des deuxièmes étages, etc. D'accord. Trop compliqué. Et pourtant, c'est ce dont parle Elon Musk avec sa Falcon Heavy, si je ne me trompe pas. Il en parle un peu moins. Il en parle un peu moins, d'accord. Mais enfin, peut-être qu'il a ça dans ses cartons. Il parle de la réutilisation de la coiffe, vous voyez, quelque chose que je ne... De la coiffe, ah oui. Que je n'envisage pas. La coiffe, donc, c'est ce qui coiffe justement le satellite. Ouais. Hein. Ce qui est en haut de la fusée. Ouais. C'est deux demi-coques. Il y en a une au musée de l'air et de l'espace. D'y Alain Souchier. Donc, voilà. C'est deux demi-coques qui s'ouvrent pour laisser le satellite... Pour qu'il puisse être injecté en orbite. Ouais. Il protège pendant la phase où il y a l'atmosphère. Ensuite, c'est une masse morte qu'on libère. C'est des structures très fines, très optimisées. Donc, je dans notre situation, je ne risquerai pas la réutilisation des coiffes. Malgré tout, il envisage, ça fait partie des petits mystères du personnage. Mais il faut mettre un petit un parachute ou quelque chose comme ça, votre avis ? Je ne sais pas, je pense qu'ils vont mettre un système de contrôle d'attitude. Aussi, une autre raison pour laquelle nous, ce n'est pas quelque chose qu'on regarde de manière très, très active, c'est que nos coiffes ne sont pas très coûteuses. Donc, ouais. Vaut mieux en fabriquer. À la limite, tout le système qu'on va rajouter dessus pour la ramener nous coûtera plus cher que la coiffe elle-même. Mais j'ai compris qu'elles étaient plus chères chez SpaceX. D'accord. Bon, on va se quitter là, mais provisoirement, parce qu'on va bientôt se retrouver. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, vous dire que vous pouvez retrouver ce débat de ce soir et tous les autres passés, et même des années passées, en podcast. Vous tapez Mardi de l'espace CNES dans votre gestionnaire de podcast sur votre ordinateur, sur votre smartphone, que sais-je, et vous allez pouvoir retrouver les enregistrements d'une foule de Mardi de l'espace, et celui qu'on a ce soir, dans les prochains jours, sera sur l'Internet. On va effectivement se retrouver donc dans un mois, le 14 juin. Ce sera le dernier Mardi de l'espace de la saison. Il s'intitule « Des mythes et des cieux ». Des mythes et des cieux. On va passer l'astronomie antique à la moulinette de la science. On va parler de la mythologie. Non, c'est pas ça ? Je me trompe ? Ah, je me trompe. Oui, mais je sais bien, mais on y vient. On y vient. Donc, le 14 juin 2016, des mythes et des cieux. Voilà, on va parler mythologie et astronomie. Et puis, on se retrouve pour un Mardi de l'espace exceptionnel. C'est dans une semaine, la semaine prochaine. Donc, tout simplement, mardi prochain, voilà. Toujours à 19h30, explorer sans contaminer. Donc, on va parler d'exobiologie, bien sûr, de vie quelque part dans l'univers. Mais comment est-ce qu'on peut y aller sans contaminer ces endroits? Et puis même peut-être sans se contaminer nous-mêmes avec la vie qu'on découvrira peut-être. Voilà, c'est le sujet dont on va parler, notamment avec Michel Vizeau. Et ce soir-là, donc dans une semaine, on aura quatre intervenants qui seront présents. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci à tous. Merci Xavier. Merci Julien. Merci Marie-Claude. Merci à vous tous. À dans une semaine. Au revoir. Et puis surtout, merci beaucoup à Alain Souchier. Et puis, à vous-même, Jérôme. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous deux. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée. Et chacun nourrit sa pensée.